Eh ben, tu me croiras ou pas, mais la maladie est partie. Ah ouais? Oui. Et elle est partie avec... avec quelqu'un d'autre, je pense. Ah merde! Elle m'a abandonné comme d'accord. ça, sur le milieu. Donc elle a pris ses valoches, ses clics, ouais. ses claques. Ouais. Elle m'a dit, bah t'en as marre d'être malade, et ben voilà. Je me casse. C'est ça. Puis le jour où tu comprendras, de toute façon, je me tire. C'est ça. Ah la vache. T'as déjà été malade, alors. Elle m'a fait la même. Ah bah. Ah, j'ai pleuré un peu. Ah, la saloperie. J'ai eu une semaine et demie à m'en remettre, quand même. Ah oui ouais, ah bah, j'ai mis à peu près pareil. Hein. Bon, après, j'ai essayé de la tromper, mais... Avec un effet ralgan ? Ouais. Salaud. Moi, j'ai pris un vitaminé. Bref. Hey mon erreur, c'était qu'il était effervescent. Et si on y allait ? Quand ça ? Maintenant. Où ça ? Là, dans la salle d'enregistrement. Avec toi. Dans le studio. Dans ce pays tout là-bas. Ok, très bien. Allez, trinquons. Dis, tu m'emmènes avec toi. Kling. Kling. Klung. Klung. À la tienne. Chobolio. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans l'épisode 11 de cette saison 3 de Road to Hellfest, ou, comme on l'appelle, l'épisode... Deuxième épisode en deux semaines. Enfin, ouais. C'est deux épisodes de suite. Ouais, c'est quand même assez rare pour être signalé. Comme dirait Julien Lepers, deux à la suite. Oui, voilà, on a les références qu'on mérite, comme j'ai envie de te dire. Je me culture, moi, monsieur. Et c'est très important parce que tu pars de très très bas. Et donc, ce qui est sympa dans le fait de faire... E-N-C-U-L-E. En tout cas, moi, je suis très content d'être là. Parce que j'avais rien d'autre de prévu ce soir, donc je me suis dit un petit podcast avec mon copain Bob. Ouais, ça c'est être, ça, ouais. Ça va être un super moment. Bah, tu vois, j'y crois beaucoup moins, là, quoi que tu m'as dit ça. Bah, à tout de suite. Il y aura peut-être pas trois à la suite, mon petit madame. Oui, bah déjà, trois à la suite, c'est vrai que ouais, ne nous enflammons pas. Ouais. Alors, Bob. On peut se la tenter. Hein. Oui, une triplette. Voilà, complètement. Et pas de Belleville, celle-là. Je reprends. Alors, Bob, as-tu passé une bonne semaine? Oui. Quoi de spécial de neuf ? Bon, ça te regarde pas. C'est vrai que je suis un petit peu trop intrusif dans mes questions. Un petit peu, ouais, je trouve. Moi, je suis là, je pars du principe de base qu'on est amis, qu'on est frères de métal, donc je me permets des trucs et c'est vrai que je ne devrais pas. Des fois, t'oublies un petit peu, ouais. Mais je que j'ai mon petit jardin secret et que j'aimerais pouvoir le garder. Et un petit peu un bac pro en botanique. C'est ça, aussi, ouais. C'est un peu important de le dire. Tout à fait. Mais je crois, selon la légende, que tu es en vacances. Eh oui, la légende dit vrai. Eh oui. Eh ben, tu as bien de la chance, ouais. Mon saloupio. Eh, eh ben, dans ce cas-là... mérite, mec. Et le boulot qu'on mérite. Ah, donc c'est une vanne. Très bien, je la prends comme telle. Je la mets là, et vengeance, il y aura. Hein, dans l'épisode 3 à la suite. Et donc toi, cette petite semaine où tu travailles? Ça va. Ça va. Écoute, ça va. Ouais. Je suis vraiment content et de bonne humeur d'être là cette semaine. J'ai passé un plutôt bon week-end. Tiens, d'ailleurs, dis-moi tout. J'ai complètement oublié de t'en parler. J'ai été voir Nicky Larson au cinéma. Oh merde. Mais non, détrompe-toi. Ah bon. C'est une très très bonne adaptation. Oh merde. Non mais. Ouais, je sais. C'est pas City Hunter, c'est Nicky Larson. Ouais, non mais c'est vraiment comme un épisode du dessin animé quoi. T'as des bonnes références, t'as tout ce qu'il faut pour t'y retrouver. Ouais, alors moi, c'est Philippe en Nicky Larson. Moi, je trouve que ça colle pas, mais après... Dans le film, ça marche. D'accord. Ouais. En vrai, les moments où il faut être badass, il est badass et ça le fait. Ah bah, punaise. Ouais, non. Si on m'avait dit... Non, mais bah écoute... Ou alors c'est toi, peut-être, qui... Qui m'avait dit? Non, je sais pas. Non, c'est vraiment une bonne adaptation. Alors, je vais pas dire que le film est 100% parfait. Parce qu'il y a des trucs qui sont pas marrants ou moi qui me font pas rire, qui font pas partie de mon style d'humour. Mais en termes d'adaptation, ça a été fait par vraiment un mec qui est passionné par ce qu'il a fait. Il a vraiment fait pour de bonnes raisons et tu ressens vraiment ça, quoi. Non, mais en même temps, il l'avait dit, comment Philippe, qu'il a été voir au Japon, le créateur, et que le mec a totalement validé. Ah, qu'il a même dit que il aurait qu'il a regretté avoir... que ouais. C'était pas lui qui l'avait écrit. Ouais, non, mais c'est mais donc, oui, mais donc... après, j'en doute pas que ça peut être une. Mais donc, du coup, ça passe super bien, vraiment. Parce d'accord. qu'il y a plein de petits détails. Bon, petite blague comme ça au passage, à un moment donné, il est en train de recevoir un client dans un jardin, et au loin derrière, t'as un mec qui dit hey, t'appelles comment? Olive. Et toi, Tom, viens, on va faire un match. Toi, ce genre de blague. D'accord. Et ça passe. Ça passe bien. Ok. Tu vois, c'est... mais le mélange, tout concorde, tout se passe bien. Ok. Voilà. Bon, bah écoute. Mais ce week-end, je n'ai pas fait que ça. D'accord. Ah, c'était ce week-end. J'y étais vendredi soir. Donc c'est pour ça que j'aurais dû t'en parler. T'es glingo. Mais oui, bah, et je, le dimanche, je suis retourné au cinéma aussi, mais on n'est pas là. Bon. Donc ce week-end, ou comme j'aime à l'appeler, le samedi 16 février, c'est-à-dire samedi dernier, soit il y a 4 jours, ou 3 dodo, au Kick, le bar sympa au 34 rue du Bel, à Saint-Lô, dont j'ai oublié le nom du propriétaire. Ah, bah Bob, là, pas non plus. C'est déroulé une soirée métal, avec au programme de la bière et de concerts. Dès 20h, Génome, groupe de métal Saint-Lois, est venu jouer à la maison, et les retrouvailles se sont plutôt bien passées. Une très bonne ambiance, un public déjà acquis à sa cause, 4 nouveaux titres, je le sais parce que c'est Étienne qui me l'a dit, un super concert, obligé de sortir prendre l'air tellement l'ambiance était chaude. Non, alors je ne sais pas ce que toi tu en as pensé, mais c'était très ouais, c'était sympa. C'était très sympa. Très bien. Bon, alors forcément, comme de Pelos, on est arrivé avec 10 minutes de retard, je pense. Ouais. Facile, hein. Le concert commençant à 20h, nous on s'est dit oui, 20h, c'est le temps de faire venir on est le public. Large. Eh bien non. Malgré ça, on a quand même pu voir un bon moment du concert et vraiment apprécié. Avec, et ça sera avec plaisir qu'on retournera voir ce groupe. Je te laisse parler du deuxième groupe. D'accord. Donc, de nous étions partis, sortis, prendre voilà, l'air. Nous étions obligés, hein, on a pris l'air. Et on avait raté le début de Sangelis. Ah, c'est ça. Qui veut dire « J'honore le sang de mon père ». Oui. Donc, je ne sais pas si le ton était bon. Bah... Après, je ne sais pas. « J'honore le sang de mon père ». Le sang de mon père. Et qui serait une race extraterrestre dans Halo aussi, oui. Accessoirement. Après, peut-être que le groupe pourra venir... Voilà, nous préciser. Nous préciser. Voilà. Moi, je dis c'est ça. Hein. Voilà. Je me rappelle pas. Allô, j'en ai fait qu'un. Et après, je n'honore pas le sang de mon père. Donc, du coup... Là, dans l'un dans l'autre, un peu... Ouais. Bah, je suis un peu largué, ouais. C'est ça, ça. Donc, qui est un groupe de deathcore, metalcore de Rouen. C'est vrai. Voilà. Et pas ce Rouen. Et non. Voilà. Nico. Bordel, pourquoi tu nous as rien dit? Voilà. Je veux dire, hein, à quoi ça sert d'habiter Rouen si tu nous en parles pas? Bah voilà. Hein, ce serait tout aussi simple qu'on savre. Comme ça, nous, on serait prévenus. On dirait, hey, les gars, il y a un groupe, il est vachement bien, ouais. Il honore le sang du père, tout ça. Voilà. Allô? Ah, et le mec, il nous dirait. Enfoiré. Donc, malgré la chaleur, hein, nous sommes rapidement rentrés, hein, forcément, et on n'a pas lâché le reste du concert. Qui a même offert un petit rappel. C'est vrai. Sympathique. Très sympa. Sympathique, les gars. Bon, bien sûr, avec l'autorisation. Du patron, hein, parce qu'il y avait, il faut savoir que maintenant, il y a des dates et des heures à respecter au niveau de la loi. Il ne faut plus faire de bruit à partir de telle heure. Il ne faut pas boire sa bière dehors c'est sur la route. C'est pire qu'avant, je crois. C'est vraiment devenu très, très, très restrictif. Ouais, donc, très, voilà. Ouais. Ils avaient jusqu'à 10h30. Ils ont fini le set un peu plus tôt. Ils ont continué jusqu'à 10h30. Voilà. Et après, tac, tac, rideau, voilà. C'est fermé. Ouais. Voilà. Enfin bref, quoi, une très bonne ambiance, des icos super cool avec qui on a pu discuter après et qui on espère qu'on les recroisera à nouveau rapidement et pourquoi pas autour d'un micro. Et oui, les gars, faut pas hésiter, faut venir dans la chaufferie. Hein. On a au moins 3-4 chaises. Bah, il nous reste 4 chaises. Ouais. 4 chaises, sachant que vous étiez 5 mais vous avez plus de bassiste, donc potentiellement. C'est jouable. C'est jouable. Après, vous pouvez venir qu'à 2. Hein. Je veux dire, oui, bien sûr. Parce qu'après. Nous, moi, s'il y a trop de monde, après, je parle plus. Hein, donc, Bah, et puis, il va faire chaud hein, très vite. Bah, ouais, c'est le principe du chauffeur. Ça va nous pousser à boire, du coup. C'est... Ouais, donc ça va être... Enfin, voilà. L'invitation est lancée et ça sera vraiment avec plaisir qu'on pourra... On espère revenir vous voir prochainement en concert. Voilà. C'était notre petit live report. Ah, si, accessoirement aussi, parce que le patron l'a demandé. N'hésitez pas à tous ceux qui sont pas très loin d'ici... Comme on est écouté nationalement, ça va pas être très... Ça va être chaudard. Ça va... Mais les amis de passage. Voilà, pour les gens de passage, les culteux qui veulent faire des soirées de culteux à Saint-Lô, n'hésitez pas à aller voir passer un bon moment au Kick, qui est donc un bar principalement de sport extrême, de moto et de rock. Et voilà. Qui cherche à se faire connaître par tous les moyens possibles afin d'accroître sa fréquentation et donc de pouvoir proposer plus de choses par la suite. Tout à fait. Je pense que j'ai bien dit les choses. T'as bien dit les choses. Bon. Je te propose de passer maintenant à la partie news. D'accord. La partie news. Donc, je vais commencer par une news un petit peu flashback de toi du mois. Tu sais, Bob, il y a des concerts qui vous attrapent et ne vous laissent plus repartir. C'est vrai. Life of Agony est de cela. Tu te souviens, Bob ? Oui, tout à fait. Tu sais, on était passé, on a fait, ah tiens. Et il nous a alpagué. Alpagué. Comme un alpaga. Ouais. Et il nous a réchauffé de sa laine. Et on a été pris de deux questionnements. Enfin, de deux surprises. La première, c'est waouh, c'est bien. Ouais. Et la deuxième, c'est waouh, mais c'était pas un chanteur avant. Voilà. Mais on l'a déjà évoqué. Et la troisième, waouh, bah si. Et puis, ça passe bien quand même. Voilà. Ça changera. Eh bien, il se trouve que le groupe travaille en ce moment même, là, tout de suite, maintenant. Non, pendant qu'on enregistre, là, ils sont en train de... Ils tapent dessus. Hein. C'est ça. Moi, j'ai un live tweet en direct. Ça se passe bien. On est dans le studio. Tout voilà. Ouais. Tout de suite sur un album concept intitulé The Sound of Scare et qui serait en fait la suite de River Run Red, leur album de 93. Putain, ça ne nous rajeunit pas. Parce que 93, on était petits. Ouais, c'est vrai. Et que là, on est vieux. J'avais... Oh là là. Alors, 93, ça dépend du moment de l'année, mais j'avais entre 12 et 13. Pareil. L'histoire de l'album de ce concept prend pour héros un adolescent de Brooklyn qui, à la suite de différents problèmes, se suicide. Ce nouvel album reprendrait avec « Que se serait-il passé s'il avait survécu ?» Affaire à suivre, concept à suivre. Mais ça a l'air intéressant. Bah ouais, pourquoi pas. Bah pourquoi pas. Ouais, non, mais après, c'est bien, les gens ils tentent des trucs. Ah ouais, non, et puis bon, bah... Après... Faut encourager... Une suite, longtemps après, hein. Voilà. News suivante, Bob. Nous en parlions la semaine. As-tu eu l'occasion la semaine dernière? Ok, alors attends. Faisons une pause. C'est donc moi qui écris les news, hein, et donc j'écris très vite et je ne me relis jamais. Donc c'est pour ça que souvent il y a des erreurs, des fautes. Mais Bob, qui est un ami, un frère de métal, qui fait donc l'effort de ne pas les voir et lit ses news tout à fait naturellement. Espèce de salaud. Fais un effort. Voilà. Nous en parlions la semaine dernière. C'était ça. As-tu eu l'occasion d'écouter Baphomet, le single live de Zeal and Ardor, mon petit Jack? Bah bien sûr. Oui. Oui, oui, tout à fait. Et tu l'as aimé? Oui. Est-ce que tu as trouvé que cet enregistrement arrive à rendre honneur à la qualité du groupe en live? Quand je ferme les yeux, oui. Quoi qu'il en soit, nous en savons un peu plus sur la sortie du prochain de ce live. La sortie prochaine de ce live. D'accord. Même quand c'est bien écrit, tu lis mal. Oh ouais, ça va. Hein. Qui paraîtra le 22 mars. C'est un concert enregistré en décembre dernier à Camden. C'est à Londres, Jack. Ah, merci. Pour te situer là. C'est gentil parce que... Je connais pas bien. Ouais, Camden. Bah, je vais aller voir. C'est à Londres. Écoute, hey, tu sais quoi? Bah, je vais y aller dès le mois d'avril alors. Ça. Et bah voilà, comme ça c'est fait. Qui portera le titre de Live in London? Tu vois, si tu m'avais laissé parler, t'aurais su. Une setlist composée de l'intégralité du report du groupe. Live à suivre. L'intégralité du répertoire. Du reportoire. Petite news complémentaire. Un autre extrait est sorti. Que vous pouvez retrouver sur les différents réseaux sociaux pour vous faire un peu plus une idée de cet album live. De ce qui va s'en suivre. Et du coup, toi, as-tu trouvé que ça rendait bien hommage à la musique du groupe? J'ai trouvé que, ouais. J'ai trouvé court, moi, le morceau, mais après... Ouais, ce que tu m'avais dit, ouais. Moi, ça m'a pas spécialement marqué, mais... Bah, tu sais, quand on aime, c'est ça le truc. C'est comme ça, c'est... Ouais, c'est... Ouais. Mais ouais, je trouve que ça le fait, après... À voir la suite, quoi. Oh bah oui, en tout cas, on ira l'écouter, hein, je pense. On ira l'écouter. Hein. Intégralité, pardon. D'ailleurs, tant que j'y pense, je crois que vendredi doit sortir l'album de Dream Theater, donc on ira l'écouter aussi. Ah, là. Mais oui, c'est... Parce que c'est important que tu... Que je... Voilà. Je m'ouvre... Bon, allez, j'enchaîne. Dis donc, je suis surpris que tu ne m'aies pas demandé mon avis sur l'album de Flotsam and Jetsam, End of Chaos, qui est sorti le 18 janvier 2019. Et je veux dire, nous en avions parlé. J'avais dit que je finirais de l'écouter pour qu'on puisse échanger tout ça. Mais toi, tu ne m'as rien demandé. Non, je ne l'ai pas écouté. Mais ce n'est pas la question. Bref, le groupe devrait commencer à composer et enregistrer son prochain album en novembre, selon le chanteur du combo. Un album à suivre. Les mecs ne s'arrêtent pas, quoi. Voilà, et c'est ça. Bon, je l'ai quand même un peu plus écouté. C'est du très, très bon. Hein. D'accord. On est vraiment sur du bon retour aux sources de Flotsam and Jetsam. Hein. Et puis, comme je n'ai pas écouté les albums entre les deux, bah, je ne sais pas. C'est peut-être pas du tout un retour aux sources. Mais, D'accord. Bah, écoute. Voilà. OK. News suivante. Attends. Ah, une petite gorgée. Ouais. Alors, je meuble. Mm. Tum, tum, tum. T'es la vue suivante de bas. Ah, c'est le moment moumou. Le moment toutou. Le moment moutou culture. Avec une news déjà en retard. Ouais, nous sommes en retard. C'est moi qui écris et j'arrive en retard de nouveaux annonces. De nouveaux annoncés pour cette sublime édition 2019. De nouveaux groupes annoncés. De nouveaux groupes annoncés pour cette sublime édition 2019. Exact. Avec, mais pas très moindre, NoFX, Marduk, Kadavar, Ayat God, Isan, Tribulation, Shydown, Chidion, Shadion, Shadion, tout court. Shadion. Shadion. Les Ramoneurs de Menhir. Un début de répartition des artistes par jour est également connu et il reste 10 groupes à annoncer pour le vendredi, 11 groupes pour le samedi et 12 pour le dimanche. Un festival à suivre. C'est fou hein, quand même hein, que plus ça va, plus moins le Moutou Kultor, ouais. Vraiment, il tape dans du lourd. Hein. Ouais, ça le fait. Ouais. Comment vous, où est-ce que vous en êtes cette année pour y aller? Bah moi, je serais bien tenté d'y aller, mais toujours pareil quoi. C'est bah, c'est un budget. Toujours ça en fait, moi qui pêche. Ouais, toujours. Parce que niveau temps, ça le fait quoi. Je serai en vacances donc. Mais est-ce que c'est pas l'année où justement tu pourrais? Grave, mais comme l'année dernière en même temps, et comme l'année d'avant aussi. Non. Bah si, les affiches me plaisaient bien oui, aussi. Oui, mais hein. Cette année, tu pourrais plus. Oui, oui, oui, oui, oui, bien sûr. De là que ce que je veux dire. Oui, oui, oui, oui, oui. Bah oui, oui. Non, mais après, voilà, c'est à voir. Mais ouais, ça me tente bien. Non, parce qu'à un moment donné, il va falloir peut-être que l'un de nous deux y aille. Ouais, c'est vrai. Et moi, je suis jamais là à ce moment-là. Donc, bah ouais, c'est toi aussi, c'est de ta faute. Là. Tu tout le temps là, comme ça, à dire oui, mais non. Parce que je suis en vacances, ouais. Et que je suis parti. Parce que moi, des vacances, j'en ai pas tout au long de l'année comme toi. Donc tu comprends. Ah, ça y est, ça y est. Ah, ça... oh, ouais. Ouais, bah oui. Puis ça va être de la jalousie bientôt. Bah ouais, non, et mais puis... c'est ça. Puis, pff, ouais, ah oui. Ah, c'était sympa, c'est dommage. C'était agréable, on se retrouvait, on passait des moments, et puis t'es venu tout foutre à la... Ah, tu gâches tout, quoi. Ouais, je suis désolé, pardon. Parce que t'as pas de vacances. Non, non, c'est faux, j'en ai des vacances, mais pas quand toi t'en... Enfin, bref. Pas autant. Alors, news suivante. Dis-moi, ouais, en oui. Parlant de budget serré, est-ce que tu aurais pas 16 millions à me prêter? Attends, bouge pas, tu t'acceptes quoi? Bah, vraiment... 12 max. 12 bah, j'avais ouais, pris 4 bon, millions de plus pour décorer. J'étais pas sûr pour 16 millions, mais 12, ouais, je peux. Ouais. Ah bon ah ouais. Bah, ça m'arrange parce que je cherchais à avoir une résidence secondaire. Ah bah, c'est cool ça. Puis je m'étais dit que San Francisco, c'était plutôt une jolie ville. C'est vrai. Et il se trouve que Lars Ulrich se sépare de sa maison. Ah bah, écoute. Une petite propriété qui comprend 6 chambres, 9 salles de bain, 5 cheminées, un terrain de basket qui sert aussi de terrain de squash, un studio d'enregistrement, une bibliothèque, un sauna pour 6 personnes, une baie vitrée offrant une vue imprenable sur la baie de San Francisco et le Golden Gate Bridge. Oh. Tout ça pour 12 millions de dollars. 12 millions ? Ouais. Il n'y a que 6 pioles. Putain, ça nous ferait une chambre sur 15. Ouais. Ah bah écoute, ouais, pourquoi pas. Bah, je vais pas te les prêter, moi. Je vais plutôt les garder pour moi. Et voilà. Alors... Props. Putain, c'est à moi. Ouais, bon, bah. Non, mais bon, c'est vrai que si on, ça pourrait être sympa. Ouais. J'ai une petite. Ouais, je suis assez d'accord avec toi-même. Et si ça t'intéresse, je t'envoie sur le site Metal Injection pour aller voir les photos. D'accord. C'est très joliment décoré. Hein. Ouais. Ouais. Okay. Y a, au milieu du. À côté du bar, t'as le serpent de. L'emblème de Metallica. Classe. Ouais. Ah non, non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. News suivante. Ben non, je suis encore sur le choc là. C'est... Bah oui, ça enfin, sur le... Wow. Mais faut pas trop que tu rêves, donc je préfère te ramener sur bah, terre ouais. Un peu. Écoute, un petit prêt, je vais me demander. Petite news ciné, docu, musique, point. L'acteur Brad Pitt travaillerait sur un document sur Chris Cornell, le musicien mort. Non. Lis les mots. Alors, l'acteur Brad Pitt travaillerait sur un documentaire sur Chris Cornell, le musicien mort. On est d'accord ? Ouais. Avec Vicky Cornell, la veuve de l'artiste. Tout ça qui est bien. Voilà, c'était une news ciné, docu, musique. C'est vrai. Etc. T'as vu, il y a tout dedans. Ciné, docu, musique. Ouais, c'est ça. Il y a du ciné, du docu, ouais, et de la musique. C'est ça. C'est vachement bien. Hein. Alors, bon, maintenant, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah, d'accord. Non, mais... Moi, je pense... Bah, moi, je suis d'accord avec ce qu'ils font, après. Je n'y vois aucune objection, puis je ne mettrai pas mon grain de sel. Hein. Ils font ce qu'ils veulent, les mecs. Hein. Même pas un petit tweet rageux, genre « Ohéo oh. !» Putain, et moi ? Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ? Est-ce que... Moi, par exemple, j'aime bien certains trucs de Chris Cornell. Je ne suis pas un énorme fan, mais je reconnais le talent de l'artiste. Est-ce que le fait que Brad Pitt... Bon, sûrement qu'il va faire ça bien, parce que Brad Pitt, en général, est plutôt doué dans ce qu'il fait. Genre, est-ce que c'est, ça te hype de savoir qu'il y aura un documentaire réalisé sur Chris Cornell, ou est-ce que tu tamponnes le coquillage ? Bah, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. D'accord. Très bien. Après, ça ne me hype pas, comme tu dis si bien. T'es pas un mec de la curiosité curieuse ? Bah, après, si j'ai l'occasion de le voir, pourquoi pas ? En parlant de l'occasion de le voir, toi qui as Netflix ? Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Hein. Regarde Some Kind of Monster, le documentaire de Metallica, je te l'ai déjà dit. Mais oui, tu me l'as déjà dit. Eh bien, regarde-le. Oui, bah écoute, là, j'ai pas le temps, j'ai podcast. Après le podcast. Après podcast. Ouais, tu vas y aller, tu vas regarder. On en reparle et tu vas me dire. Ok, putain, d'accord. Okay. Ok. Vous voyez comment il me traite, monsieur Lam. News suivante. Conspiracy, le second et prochain album de Ravenage, est toujours attendu pour le 8 mars. Un nouvel extrait, The Day the World Stood Still, le troisième, a définitivement retiré toute attente que j'avais pour ce nouvel album et ce groupe. Flûte ? Ouais, rappelle-toi, dès le changement de chanteur, en fait, j'avais déjà fait... Ouais, c'est vrai. Et là, les extraits sortant les uns derrière les autres... Étonnamment, ce que je comprends pas, c'est que musicalement, j'aimais beaucoup The Ravenage, et maintenant, le chanteur retire même ce que j'aime dans la musique. Donc, est-ce que... Ah oui. Ouais, non, mais je trouve même pas ça inspiré et tout. Ça fait blocage, quoi. Donc, je ne sais pas. Ouais, peut-être que les Icos aussi, du coup. Peut-être, je sais pas. J'écouterai quand même l'album, mais je l'attends pas. Voilà, je préférais... The Ravenage, je te rappelle, est donc le groupe du guitariste qui est le fils de Steve Harris, le bassiste... D'Iron Maiden. Ouais. Tu l'avais. Je remets. Oui, ouais, je remets. Très, très bien. Voilà. Dernière news. Non, ça fait. Dernière news. Ah, voilà, là, c'est mieux. Comme la vie n'en finit pas. Voilà. C'était la dernière news. Non, c'était pas ça. C'est l'accroche. Ah oui. Comme la vie n'en finit pas. Et Rage Tour non plus. Et donc, c'est au Zénith de Paris le 2 novembre prochain qu'Ultra Vomit, No One Is Innocent et Tagada Jones va se produire. Une plutôt jolie date avec une plutôt jolie programmation. Un Zénith, c'est cool parce que c'est grand. C'est vrai. On y va, Jack. Oh bah, ça manquait un petit peu d'entrain. Bob. Ouais, parce que j'ai été surpris là. Qu'est-ce qui te plaît pas ? Attends. On y va, Jack ? Bah écoute, feu ! Attends ! Feu T ? Un zénith, c'est énorme ! Bah bien sûr, c'est énorme, un zénith. As-tu déjà fait un zénith ? J'ai fait un zénith. Pour aller voir qui donc qui ? Qu'est-ce que j'ai été voir, moi ? Un zénith, j'ai été voir Robert Plant. C'était bien ? C'était bien. Est-ce que tu t'es pas dit, c'est grand un zénith ? C'est grand un zénith. Tu vois ? Je me suis dit en arrivant. Je me suis dit... Oh là là, c'est grand un zénith. Imagine Ultra Divomit, No One Is Innocent et Tagada Jones. Bah ouais. Ça pourrait être bien. Bah ouais. En plus, au mois de novembre, moi perso, j'ai rien. Bah ouais. Donc. Novembre. Novembre, je vais être en plein dans les achats de Noël quand même. Bon, on en reparle ? Un an, je passe. On en reparle quand même. Ouais, carrément. Attends, un petit zénith. Bah oui, il y aurait celui de Nantes à faire. Ouais, mais c'est un mardi, on a dit. C'est un mardi, mais... On a toujours pas statué là-dessus. Hein. Ah, fouillasse. Faudrait statuer. Hein. Mm. Bon, écoute. À défaut de statuer, je te propose de passer au News Hellfest. Je te laisse faire la première. C'est le 14 février, jour de la Saint-Valentin. De la Saint... Ah Valentin. Oh putain, mais... Ouais, mais c'est, tu vois, mais oui, c'est mais... trop de réflexes. Tu tu vois, que j'ai acquis durant toutes ces années de vie que j'ai passé sur la Terre. D'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que t'as fait de beau pour la Saint-Valentin? Que dalle, j'ai regardé le frigo, je crois. Ah, vous avez pas... Il y avait un programme super. Ah, d'accord. Ouais. Bah, je regarde toujours la télé, donc je me suis dit, tiens, je vais regarder le frigo. Genre. Vous faites pas ça? Non. D'accord. Bah non, parce que nous, on fait le... On est plus sur le mois de mars, nous. Ok. Le jour de notre première galoche. Oh, c'est dégueulasse. Du coup, tous les ans, on vit le moment. Vous réembrassez. Ah. Jusqu'à qu'on ait un dentier. Avec... Ah. Et que là, ce soit beaucoup plus dur, tu vois, à pratiquer. Je sais pas, t'es curieux, donc je te réponds. C'est être curieux. Genre, en période de Saint-Valentin, c'est être curieux de demander, tiens, vous faites quelque chose ou pas? Bah ouais, on baisse comme des lapins. Wow. Faites quelque chose, pas demander quoi, tu dis oui. Et toi, tu fais quelque chose? Ah non, on fait jamais la Saint-Valentin, bah voilà. Le fêter. Tu vois, j'aurais répondu comme ça, ça aurait été plus simple. Bah oui. Au lieu de me dire que tu regardes un frigo et que tu baisses comme des lapins, je m'en fous. Ah, c'est pas grave, tu couperas. Ah non, je comprends. Non. Merde. Beaucoup trop de boulot. Ouais, écoute. Alors. Donc, c'est le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Merci. Que le Hellfest nous a offert plein de jolis bisous et plein d'amour. Et bien sûr, en postant une photo de Kiss, qui était un petit clin d'œil. Et oui. Mais surtout, c'était pour nous annoncer deux choses. La première, lundi 19 février, soit hier, aujourd'hui. Le groupe annoncera la date officielle de mise en vente dépasse un jour. Ce qui est déjà fait. Du coup. Bah oui. Voilà. Et le 19, c'est aujourd'hui. C'est vrai, c'est pour ça que je me suis trompé. Donc ça devait être le 18. C'est ça. Le lundi 18. Donc voilà. Les passes très très attendues afin de pouvoir jumeler avec le Knockfest. Et la deuxième, que le Knockfest est à 80% des ventes. Ça augmente, doucement, mais doucement. Mais oui, on est déjà à 80%. Hein. Et donc, c'est donc effectivement hier, donc lundi, qu'ils ont annoncé que... Ben, c'est donc hier qu'ils allaient annoncer la date de... où ils vont mettre en vente les passes un jour. C'est ça. Voilà. C'est à midi. Mais non, mais arrête! Quoi? Tu spoil. Je spoil rien du tout, si, tout le monde le sait. Non, attends, là tu spoil. Il y a un fil, il y a un conducteur, mec. Il y a un fil conducteur. Voilà. Il y a un fil, il y a un conducteur. Donc le 14 février, ils ont annoncé que lundi 18, ils nous donneraient la date de mise en vente. Voilà, et l'heure? La date, c'était hier. Voilà. Très bien. Donc maintenant, on va savoir l'heure. Parce que tu vas nous dire ça incessamment sous peu. Ah non, attends, là j'ai une autre news. Ah oui, mais par contre, qui est une news qui m'a rendu un peu dingo. Comme un petit enfant. Tu l'as lu ou pas? Petit écolier. Non, j'ai pas tout lu. Alors, c'est pas vraiment une news Hellfest, mais comme nous en parlions rapidement la semaine dernière, autant revenir plus en détail sur la chasse au trésor organisée par Flibustier. À savoir, le vendredi 24 et 25 mai à Paris, une course au trésor est organisée pour des équipages de 2 à 6 pirates qui doivent tout tenter pour retrouver le trésor du capitaine Clayton Morrow, où, pendant 24 heures, ils devront réaliser 150 missions et débloquer un maximum d'indices pour trouver l'endroit où creuser et dérober le butin. Qui équivaut quand même à 10 000 euros en or et pierres précieuses. Déjà, ça, c'est pas mal. Ouais, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Maintenant, les 5 raisons pour embarquer et mises en avant par le site. 1. Pour vivre dans la peau d'un fucking pirate pendant 24 heures. 2. Pour passer des moments forts avec ses amis ou sa famille. 3. Pour tenter d'être les premiers à déterrer un véritable trésor de pierres précieuses d'une valeur de 10 000 euros. 4. Pour passer à l'action et faire toutes ces choses que tu n'as jamais osé faire, comme prendre un selfie avec un perroquet sur l'épaule ou chanter l'hymne du pirate avec un vieux loup de mer. 5. Pour faire exploser son stock d'anecdotes pour les 6 années à venir. A noter qu'il faut s'inscrire, qu'il y a environ 1000 places et que l'ensemble se terminera par une soirée apocalyptique. Moi déjà, quand j'ai lu ça, j'avais vraiment envie d'y aller. Et après, j'ai redescendu un tout petit peu, quand j'ai vu que l'inscription coûte 45 euros par personne. Mais, qu'il y a des tarifs équipe, à savoir 130 euros pour 3 au lieu de 135, 245 pour 6 au lieu de 270, et que pour ce prix, tu as accès à un foulard exclusif Flibustier Paris d'une valeur de 50 euros, la possibilité de déterrer un véritable trésor de 2000 euros, une assurance individuelle pour tous les participants, un pack de pirates plein de surprises à venir récupérer en boutique en amont de la course, une soirée de clôture monstrueuse dans un lieu insolite de pirates avec des concerts live, une cérémonie de remise de prix, des animations et la première conso offerte, et l'expérience d'une vie, ton rêve de gosse devenu vrai, vivre comme un vrai pirate pendant 24 heures avec ses potes ou sa famille. Exemple de mission, donc prendre un selfie avec un perroquet sur l'épaule, passer 24 heures déguisé en pirate, trinquer avec un vieux loup de mer au point GPS XY, cuisiner un poulet racam au rhum, décrypter le hiéroglyphe au poteau de la femme morte, enterrer un coéquipier dans le sable, se jeter à la mer en chantant l'hymne des pirates, se faire flash tatouer un kraken, lire une histoire de trésor à un gosse, demander à un ancien quel est le plus beau trésor de son existence. Sérieusement, ça fait pas un peu envie ? Je sais pas. Qu'est-ce qui te plaît pas ? Ah, apparemment, tu n'es pas... C'est pas un rêve de gosse, moi, de vouloir être pirate, donc déjà... Moi, pas forcément non plus, mais en fait, c'est plus le côté 150 missions. S'il y a 150 missions de cet ordre-là, ça peut être super délire. Le côté, complètement différent de toutes les missions, ça peut être sympa. C'est clair, sur 24 heures. Ouais, de ce que j'ai vu, apparemment, t'en as, elles seront sur Paris, et d'autres, elles seront un peu plus loin, et en fait, toutes les missions ne rapportent pas le même nombre de points, en fait. D'accord. Donc, il faut que tu te prennes en photo quand tu fais la mission pour que tu l'envoies sur un truc Facebook qui comptabilisera à peu près les points. Tu verras à chaque fois quelle équipe est devant et quelle équipe est en dernière position. Mais donc, si jamais, par exemple, tu peux prendre le risque d'aller plus loin que Paris et d'aller chercher un indice qui rapportera peut-être plus de points ou rester là et tout cumuler. Ok. Donc, t'as... Enfin, je sais pas, sur le principe. Moi, ça me hype pas, hein, comme toi. Mais, Mais l'idée moi, est sympa. J'aime bien l'idée, j'aime bien le truc, mais... Jamais de ma vie, je me déguiserai en pirate. Mais le fait, là, sous cette manière-là, cette forme-là, pour pendant 24 heures chercher un trésor, mais ça peut être super fun. Ouais, non, mais je dis pas le contraire. T'imagines, toi, devoir prendre un selfie avec un perroquet ou discuter avec des vieux loups de mer, c'est rigolo. tatouer un kraken, bordel. Ok. J'aurais pu me le faire tatouer pour de vrai, la blague. Ouais. Ah, je trouve ça super sympa. Non, l'idée est bonne. Hein. T'imagines, en plus, tu croises 1000 pirates partout où tu vas. Tu fais, hey, vous saillons. Ouais. Ah, c'est en train Pourquoi de te pas. Hyper un peu. C'est en train de... ça commence. Tu te hypes doucement. Non, ça ira pas plus loin que ça, je pense. Un peu. Tu te hypes un peu. Non. Bon, tu te hypes pas. Bon. Non, pas plus que ça. Non, j'aime bien l'idée. Hein. L'idée est originale, mais. D'accord. Je pense pas que moi j'irais payer 45 balles ou. Mais t'as un foulard de 50 euros, t'es gagnant. C'est ça. Un foulard de 50 balles. T'es gagnant. Ouais, c'est vrai. C'est la magie des maths. Ouais, c'est ça, la magie des maths. C'est beau de voir les chiffres lancés. Bon, très bien. Eh bien. Non, mais après, toi, si... Non, mais écoute, je vois bien que... Non, mais je... Et t'avais une idée de tes coéquipiers? Non, personne. Je voyais pas du tout qui demandait. Ma mère, peut-être. En famille, ils ont dit. Hein, donc... Ou en ami. Ah oui. Et des fois, il y a des amis, c'est un peu la famille. C'est ça. Si tu fais des trucs. Ouais, genre. Bon, une affaire à suivre. News suivante. T'as l'air déçu, hein. Un peu. Ouais. Merde. Je m'attendais un peu. Écoute. Je suis le seul à vouloir. Ouais, peut-être que si je vais voir sur le site en lui-même, peut-être, tu sais, ça va me... Ouais, peut-être. Si je vois le foulard, peut-être que je me dirais... Je l'ai pas vu, j'ai pas vu le foulard, mais... Tout de suite, là, ça donne envie, quoi. C'est vrai que si tu parles à un vieux loup de mer en portant un foulard à 50 balles, moi je dis que... Tu dois faire un bras de fer avec un inconnu aussi. Cool, qu'à un crochet. Peut-être, j'espère. Ouais, top. Ouais, là, ça commence à m'intéresser, là. Vas-y, news suivante. Conduire avec un... Un bandeau. Un bandeau, comme les vrais pirates. En même temps... Comme les vrais gilets jaunes. Ça y est, nous connaissons enfin les dates de mise en vente des passes un jour. Et ce sera, roulement de doigts sur la table. Pardon. Mercredi 20 février à midi. Donc, tenez-vous bien. Mercredi 20 février à midi, c'est-à-dire demain pour nous. Et pour vous, c'est déjà passé. Inception. Ça va ? Eh oui, car il y a peu de chances que j'arrive à poster l'épisode, que tu arrives à poster l'épisode. C'est pareil, on s'en fout. C'est la même chose. Avant midi, et pour que vous l'écoutiez avant, c'est encore plus improbable. Bref, mercredi 20 février, soit demain, soit déjà trop tard, la mise en vente sera encore une fois en partenariat avec Wiz Event. Et pour permettre à un maximum de festivaliers d'être satisfaits, les ventes sont limitées à 2 passes journaliers par personne. Soit donc un maximum de 6 passes de vendredi, de samedi, de dimanche. Ils annoncent de plus de prévenir tout le monde car cela risque d'être des vidéos fulgurantes. D'accord. Des ventes, pardon. Ouais, des vidéos. Des ventes fulgurantes. Excusez-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Correcteur d'orthographe. Sûrement. On a appris aussi en fin de journée, je crois, que le prix est donc des places est de 105€ par jour. Voilà. Plus les frais de location. C'est important de le préciser. De le préciser, voilà. Donc et pour annonce aussi, ceux qui sont pas loin de Clisson. Oui. Le seul point de vente physique sera le Leclerc de Clisson. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut aussi acheter nos passes au Knotfest là-bas, je crois. C'est fort possible. Je crois. Donc voilà. Beaucoup de gens, d'après ce que j'ai compris, attendent vraiment donc le vendredi au moins pour jumeler avec le Knotfest. Voilà. Donc ça va être demain à midi, mais pour vous, c'est déjà passé. Voilà. Et ça me fait beaucoup rire, quelque part, parce que tu vois, du coup, nous, c'est demain, mais pas pour eux. Voilà. Donc c'est rigolo. Que pour eux, ce sera aujourd'hui ou hier. Oui, mais qu'il y en aura déjà plus. Donc c'est quand même une news assez paradoxale. Oh. Au niveau du voyage dans le temps. Ouais. Parce qu'on parle d'un truc... The Twilight Zone. Tu vois, on parle d'un truc qui n'est pas arrivé, mais qui est déjà passé. Ouais. Wow. Ouais, Inception. Attends, on va me le faire mieux. Wouah, c'est parti vite, dis donc. Bah, dis donc, si on avait su, ouais. On aurait pu éventuellement vous prévenir, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est parti plus vite qu'on espère, ouais. Qu'on est déçu. Ah, qui le dis-tu, Jacques? Alors, voilà, il n'y a pas eu d'autres news Hellfest, sauf si toi, t'en as vu d'autres? Non. Rien? Non. Donc, on peut partir à la partie Knotfest. Attention, 80% des places vendues pour la première date du Knotfest en France, en partenariat avec le Hellfest. Toujours 10 groupes pour ce mini-festival, 5 groupes américains et 5 groupes européens. Et cette semaine, c'est un groupe américain qui était l'honneur avec Ministry. On te laisse nous en parler, Bob. My nice try. Tu le dis comme tu veux, je m'en tape. Donc Ministry, comme tu l'as dit, qui est un groupe américain. Putain, il a écrit un truc, mais ça non. Non, j'ai rien écrit. Ah bon? Non, j'ai lu, en fait, cet après-midi. Et tu t'en souviens? Je m'en souviens vaguement. Ah, parce que j'ai écrit un truc sinon. Ah ouais? Ouais. T'es un salaud, toi. Pourquoi? Bah, parce que tu me dis rien. Bah, c'est d'habitude, c'est moi qui écris. Non, j'ai lu cet après-midi vite fait le truc. Et j'ai écouté aussi, forcément. Ouais. J'ai commencé à écouter, en fait, parce qu'ils ont tellement d'albums que je me suis dit, je vais prendre dès le début. Ils en ont 14. Voilà. Donc, je prends dès le début, donc j'en suis pas encore arrivé à la fin. Moi non plus. Hein. Mais j'ai écouté les 3-4 premiers, je crois. Ah ouais, quand même! Waouh! Déjà? Bah, en fait, c'est plus sur leur période. Synthé-pop. Veux-tu que je te fasse un petit résumé du groupe? Vas-y, fais péter. Alors, Minus Try est un groupe de heavy metal industriel trash synth-pop américain, originaire de Chicago, formé en 1981. Leur musique, initialement orientée new wave synth-pop, le groupe change son style en metal industriel avec des influences punk. Il est considéré comme le premier groupe de metal industriel. Le succès auprès du grand public arrive avec l'album Psalm 69. Le groupe est réputé pour deux choses. 1. L'addiction aux drogues de son chanteur Al Jourgensen, tout du moins dans les premières années du groupe, et son combat contre les républicains. Le groupe a publié une trilogie anti-Bush, par exemple, et le dernier album est totalement anti-Trump. En 2008, le groupe se sépare, puis se reforme en 2011, ressort un album et va jouer au Wacken pour fêter ça. Mike Scaccia, guitariste, meurt sur scène d'une crise cardiaque avec son autre groupe Rigor Mortis. C'est trop pour Al qui perd son meilleur ami et son guitariste et annonce qu'il ne peut y avoir de Ministry sans Mike. Alors il termine avec un dernier album, From Beer to Eternity, que je trouve qui est un titre super sympa. Ouais. Un album hommage au travail de son pote Mike et une tournée promotionnelle qui va suivre. 2 ans plus tard, un nouvel album de Ministry sort, American, une protestation contre Donald Trump et sa politique. Donc au total 14 albums, 5 compilations, 5 lives, 8 albums de remix et de reprises et au moins 7 projets parallèles. À savoir que j'ai lu une interview de Rocard pour la sortie d'American Kent, parce que je m'étais dit qu'il allait sûrement avoir la question abordée de pourquoi il revient. Et en fait, il explique que quand Trump est passé, il a été trop surpris, s'y attendait pas, il n'arrivait pas à croire, ça l'avait super un peu déprimé qu'on en soit arrivé là. Et pour lui, il était sûr qu'il passerait pas. Et donc, du coup, il s'est dit qu'il était temps de refaire un album pour ça. C'est une bonne raison. Ouais. Après, quand tu, je sais pas si t'as lu un peu la bio du groupe. Pas plus que ça, non. Bah, en fait, dans la bio, on voit quand même qu'il était vraiment héroïnomane et vraiment, ouais, il tapait dans la drogue dure. Et étonnamment, quand tu vois tous les trucs qu'il a fait avec la drogue et compagnie, déjà, il a été hyper productif. Mais en plus, t'as un peu l'impression que c'était, voilà, ça devait être une espèce d'ambiance un peu glauque, enfin un peu les bas-fonds. Ah bah oui, ça... Et pourtant, dans son interview de Rocard, j'ai trouvé le personnage hyper, hyper, hyper intéressant et intelligent. Et il explique que justement, en fait, pour lui, il se rendait compte que le monde, ça se limitait, enfin, la vie, ça se limitait pas à ce qu'il y avait sur Terre. Et que justement, par rapport à tout ce qu'il y avait sur Terre et l'immensité de l'univers, en fait... Prendre des drogues, c'était son seul moyen d'arriver à supporter tout ça. Tu vois, okay. Donc, et ça, en fait, étonnamment, ça me parle vachement, moi. Ouais. Je comprends tout à fait ça, voilà. Mais je te laisse reprendre sur ce que tu voulais dire sur Ministry, de ce que tu as écouté, de ce que tu en as pensé. Alors, j'ai écouté, comme je te disais, les quatre premiers. T'as pas du tout été voir un peu plus récemment pour... J'ai écouté, si, quelques morceaux. Forcément, je connais d'autres morceaux des albums passé, je crois, après 2000. Mm-hmm. Donc forcément, je suis passé sur certains albums. Enfin, pas tous les albums. Pas tous des albums, on va dire. Donc, quelques morceaux. Mais non, pour vraiment me remettre dans Ministry, parce que c'est un groupe que j'ai toujours vu, entendu parler. Voilà, ils sont un peu partout. Toujours présents dans... Toujours présents, ouais, dans la scène musicale et, ouais, underground... américaine aussi, enfin mondiale, on va dire, quoi, tout simplement. Toujours un album de Ministry qui sort quelque part. Voilà. Et ce nom revient souvent. Et donc voilà, pour, c'était l'occasion en même temps que de m'intéresser à ce groupe. Donc, forcément, moi j'ai redécouvert Ministry avec le morceau Jesus Love My Hot Rod. Built My Hot Rod. Reprise de Burn the Priest. Mm-hmm. Donc du coup, ça m'a remis dedans. Puis. Voilà, c'est parti. Donc j'étais assez surpris, hein, quand même des débuts de Ministry. Mmh. Parce que moi je connaissais Ministry vraiment le métal indus, hein, pur et dur. Et en écoutant With Sympathy, par exemple, qui est leur premier album de 83, franchement, t'hallucines, quoi. Ouais, ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Alors t'as With Sympathy, Twitch, 12-inch singles, si je ne me trompe pas, The Mind is a Terrible Thing aussi. Mmh. Ces quatre albums-là sont vraiment très synth-pop. Mm. On trouve plus des ambiances à la Bauhaus, à la, ce genre de musique, vraiment presque New Wave, tu vois, des 60, fin 70, début 80. Tu vois. Mm. C'est vraiment ça, quoi. Un son très 80, quoi. Mm. Donc, je me suis dit, oh, ok, d'accord. Ça n'a rien à voir avec ce que je connaissais de Ministry. Donc, j'ai tout écouté quand même pour me faire vraiment un avis. Ouais. Ça passe, je suis pas un gros fan, mais ça passe parce que bon, j'écoutais un petit peu ce genre de musique, Bose, Christian Death, tous ces trucs là ça me parle un peu, donc ça m'a pas dérangé d'écouter ça. Donc là je suis arrivé justement, alors l'album de 89-90, In Case You Didn't Feel Like, je ne sais plus la suite, Showing Up, et là on commence à voir vraiment, si je me trompe pas d'ailleurs, même avec leur album de 89, ça commence vraiment à, on sent là où ils vont arriver, ouais, vraiment, ouais, ça sonne plus métal, plus rock dur. Et du coup là ça m'a accroché un petit peu plus, on va dire. D'accord. Forcément, mais ouais, très très intéressant et puis je vais continuer, hein, je vais continuer l'écoute jusqu'au dernier album. On va bien voir. Jusqu'à Hammerikakakand. J'ai passé des morceaux sur des albums sans trop m'arrêter à chaque fois sur un album parce que... Alors, je ne suis pas remonté jusqu'à la période synth-pop comme ça. Mais en fait, déjà, toute la partie métal industriel, elle sonne beaucoup trop industrielle et moi, j'arrive pas. Ouais. Ça m'intéresse pas. Et ce qui est assez fou d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte en lisant son interview que j'étais beaucoup plus intéressé par son propos que par la forme de sa musique, en fait. Je l'ai trouvé super intelligent et super réfléchi dans tout ce qu'il disait dans l'interview. Mais musicalement, j'entends, parce que je ne me suis pas arrêté au texte et je n'ai pas réfléchi plus à ça. Musicalement, je ne suis pas un grand fan de musique industrielle, mais là, ça sonne trop. Ça sonne métallique, quoi. Ça sonne vraiment organique, quoi. Ouais. C'est du vrai métal industriel. Ça me dérange pas plus que ça. Ah, mais des fois, c'est très répétitif, je trouve. Oui, ça par contre, oui, ça peut. Sur certains morceaux, c'est vrai que je me suis fait la remarque aussi. Et de me dire, oh là là, et du coup. Je trouvais ça pas assez riche. Autant, je suis sûr que l'ensemble de la discographie et de l'univers, il y a plein de choses à prendre. Comme par exemple, je sais pas si tu as vu je sais pas si t'as vu ou pas, le clip que j'ai mis pour illustrer la publication sur la page. Ouais. En fait, tu as plusieurs. C'était vraiment. Ils appellent ça un peu le début d'un super groupe, parce qu'il y a deux batteurs, il y a plein de musiciens, ils sont derrière une espèce de Ah, c'est un cage. live. Ouais, c'est un Ouais, live. Et sur l'écran derrière, ça passait des snuff movies. ouais. Tu vois, et ça, c'était pendant leur concert. Donc, il y a plein de recherches tout le temps sur plein de trucs. Tu vois, je suis sûr de ça, de la vraie recherche de ce qu'il a essayé de faire. Juste, en fait, c'est le résultat qui me touche pas moi. Ouais, Tu OK. vois, je suis intéressé par toute la démarche. Ce qui paraît pareil qu'il a fait. Il est rentré en studio avec un autre Rod pour enregistrer les machins. Il y a plein d'histoires, apparemment, de légendes qui tournent autour de lui. Ouais. Et autant tout ça peut m'intéresser, mais musicalement, même dans le dernier album, en fait, au bout d'un moment, je passais les chansons parce que j'ai dit, ah, non, enfin, voilà, j'accroche pas. Moi, musicalement, C'est j'accroche vrai pas. qu'ils utilisent beaucoup de sons industriels, Ouais, sûrement, ouais, ouais. un peu des Bah, morceaux de sons de métal, sons son de voilà. métal où t'as un peu Et beaucoup l'impression que. aussi de parties de films Ouais, où aussi, ouais. t'entends souvent des voix de personnes. Donc, c'est. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, bah, par exemple, je me suis dit, j'ai pas spécialement envie de voir ça en live. Je me suis pas. Moi, ça m'a pas. Tu vois, ça m'a pas donné envie d'y aller, quoi. Ouais. À l'inverse, tu vois, pour faire une comparaison, on va dire. Pour imaginer une comparaison, la semaine dernière, on parlait de Behemoth où on n'était pas toujours forcément d'accord musicalement, mais j'avais envie d'aller voir en live parce que je suis sûr que je vais y trouver mon compte à un moment donné, une espèce de spectacle. Et en fait, là, j'ai plus l'impression que non. Tu vois, je me dis, tu vois, c'est pas, c'est deux trucs un peu différents et je me sentirais peut-être plus proche de la démarche de Ministry sur le fond, Ouais. mais plus sur la forme peut-être de Behemoth, tu vois, Ok, ouais. étonnamment. Mais toi, après, est-ce que ça t'a donné envie d'aller voir en live? Bah oui, forcément, parce que déjà, je crois que je les ai aperçus de loin, en passant pas par la Lorraine, mais en passant, ouais, sur je ne sais plus où d'ailleurs. Et je les ai vus de loin, et du coup, j'ai pas eu. Pas été plus loin. Mais ouais, c'est un groupe que j'aimerais bien voir. Et je trouve qu'ils font une espèce de. Ça m'a fait penser aussi, forcément, à de l'horreur musique, de l'horreur métal un peu, il y a ce côté aussi horreur Ouais. qui bah moi ça me parle donc si je me trompe pas Ministry a été aussi beaucoup utilisé pour tout ce qui est film d'horreur à une Oh. certaine période dans les années 90 Bah, ça a été utilisé sur Intelligence artificielle de Spielberg, Matrix et Des mineurs. C'est pas vraiment des films d'horreur. Ouais, mais je crois que Après, peut-être, sur certains films à plus petit peut-être sur budget qui ouais, sont ou pas peut-être sortis certains slashers et tout, ouais, mais des slashers où t'as pas mal de dans les bios, c'est ces trois films-là qui sont ouais, ressortis, donc. oui, ouais. Et après voilà. Mais ouais, t'as ce côté aussi horror musique qui me parle, comme peut le faire White Zombie aussi. A pu le faire White Zombie et Rob Zombie Ouais, mais tu même à vois, l'époque. au moins, je trouve ça, si on devait faire la comparative justement avec Rob Zombie, je trouve que c'est plus, bah, comme je l'ai déjà dit, tu sens le côté BO et bande originale dans ses musiques, presque peut-être parfois trop, mais tu le sens plus. Là, je sens peut-être trop le côté musique industrielle et c'est. Est-ce que Rob Zombie en joue plus Sûrement, sûrement. Et que l'autre est au plus niveau de concentré. l'imagerie déjà, quoi, rien que ça. Ouais. Je pense qu'à mon avis, les ministries sont plus sur le côté revendication et peut-être Tout à fait, tout à fait. contestataire de ce qui se passe dans le monde Tout à fait, tout à que fait. ne l'est Rob Zombie. Mais ils ont quand même ce côté musicale qui se rapproche un peu et moi ça me parle un peu plus quoi, donc ouais. Du coup non mais c'est après ça me dérange pas. Bah du coup j'ai un pote qui écoutait beaucoup de d'indus et tout ça et ouais. Qui m'a fait connaître des groupes comme Osiko, ce genre de truc, et qui, c'est très très indus et ouais c'est vraiment dans un milieu très underground et très limite impopulaire quoi. C'est allemand je crois si je me trompe pas. Non tu enfin, te trompes, tu te trompes, c'est Rammstein. Et encore ça c'est ouais c'est le groupe le plus connu mais oui. Ça fait partie de cette mouvance quoi à une époque des groupes qui n'ont pas percé quoi, mais il écoutait de ça et du coup bah c'était dedans hein. On écoutait notre musique, il écoutait la sienne, voilà, et j'ai découvert des trucs et ça m'a aidé aussi à apprécier un peu ce style quoi. Ah mais je ne dis pas juste voilà. Faudrait peut-être que j'écoute d'autres trucs et tout. Après, c'est vrai que c'est quand t'as 14 groupes, pardon, 14 albums, c'est dur de tout écouter, d'avoir... C'est vrai. Mais ouais, non, voilà. Moi, je suis un peu resté en dehors. Bon, je m'étais dit que j'irais manger à ce moment-là, mais bon, si vous aimez et vous regardez, on regardera. Je resterai avec vous, je pense. C'est en main stage, donc après... Non, mais... Ça t'as moyen de manger pas loin, tout en sûrement. Pouvant regarder. Sûrement. Mais en tout cas, c'est vrai que de ce que j'ai entendu, ça m'a... je me suis pas dit « Ah oh, tiens, ça doit être bien en live voilà. ». Moi, je vais aller voir, ça m'intéresse. Par contre, fait amusant, le chanteur est tatoué sur le visage et percé sur le visage, et c'est arrivé en fait sur le tard, tu vois. Ah ouais ? Ouais, donc tu pourrais dire que c'était dans sa grande période de grosse junkie qu'il a fait ça, mais en fait non, c'est arrivé après. Ouais. C'est, voilà. Bah écoute. Je voulais préciser ce petit point. Je trouve ça important. Donc du coup, qu'est-ce qu'on se fait pour la semaine prochaine ? Bah vas-y. Bah c'est toi qui dis. Ah, parce que je suis préposé. Et Zach ? Oh là là, je ne sais plus moi, qu'est-ce qu'il y a donc ? Dis-moi tout. Ah bah alors là, tête débrouille mon con. Oh, saloupio ! Écoute. qu'est-ce que tu as alors ? Donc un groupe américain. Bah, je sais pas moi, qu'est-ce que tu penserais d'un Amon Amarth ? Je m'en doutais que t'allais dire ça. Non ? C'est, bah allons-y. J'étais sur Papa Roach, mais c'est un groupe américain, Papa Roach. Oui, tout à fait. Bon, on avait dit un groupe américain, un groupe européen. C'est pour ça qu'on a fait Amaranth, Behemoth, deux groupes européens. Voilà. Et après Ministry, un groupe américain. On repart sur un groupe américain, Amon Amarth. Allez hop, c'est parti. C'est pas du tout américain, d'accord. Très bien. Allez, ouvre-moi plutôt une beer. Allez. Non, bah après, je m'en fous, moi. Non, bah Amon Amarth, j'ai marqué. T'as noté Amon Amarth. J'ai marqué Amon Amarth, c'est Amon Amarth. Voilà. Bon, bah écoute. Après, c'est pas évident, hein. Mais non, c'est pas évident. Merci. C'est pour ça que toi, tu... Hein, tu... Oui, bon, bah écoute, hein, c'est comme ça. C'est facile, hein, je trouve. Oh, sinon, on aurait pu faire 20 juin 2019. Non, pas un groupe. Non, c'est pas. Non, ah non, c'est la date. Je pense que c'est le moment des chroniques. Les chroniques. Qui commence ? Je sais pas, t'as envie de commencer ? Écoute, je vais essayer. Vas-y, essaye. Je vais essayer. Alors, je vais commencer par Doul, qui n'est pas Toul. D'accord ? C'est important. C'est Doul. Qui est un groupe de rock néerlandais, ou comme j'aime à le dire, un groupe des bas pays. Formé en 2015... C'est bas pays qui est le mien. Sur les cendres du groupe The Devil Blood, le style se situe entre le rock progressif et le doom metal, je ne suis pas trop d'accord, avec des influences rock psyché et rock gothique. Je suis beaucoup plus d'accord. Ouais. Pour l'instant, un seul album sorti en 2017, et la chanteuse du groupe, Ryan Van Dorst, est aussi connue sous son nom de scène, El Bandita. Et elle a sorti 3 albums solo sous ce nom. Ah oui, d'accord. Il semblerait également qu'elle soit hermaphrodite, mais comme du coup, je ne sais pas si c'est une ou un chanteur, je préfère ne pas l'évoquer ce soir. Peut-être un escargot. Du coup, je préfère pas évoquer ce genre de truc. Je ne vous ai rien dit, donc. Les principales influences du groupe sont The Sister of Mercy et Sonic Youth. Ça me fait un peu effectivement penser à ça. Ah ouais ? À noter qu'au printemps 2017, Doul a joué en première partie du groupe Me and That Man, qui n'est autre que l'autre groupe de Nergal. Ah bah d'accord. Tu vois ? Ah bah d'accord. Donc c'est un peu tout ce que j'ai noté sur le groupe. Et j'ai beaucoup apprécié Doul. Ouais. Ah ouais. Par contre, je vois pas trop le côté doom metal, rock progressif. Je vois vraiment plus un truc psyché, planant, atmosphérique, avec des ambiances. Par certains côtés, attention, je précise, par certains côtés, j'avais l'impression d'entendre un peu du Ghost actuel, mais sans la bonne prod et sans le chanteur. Alors, ok, d'accord, elle semblerait qu'elle soit hermaphrodite, mais la voix reste féminine. On est sur une voix plus féminine, mais c'est plus entre les arrangements et les lignes de chant, on entend, on me dit, tiens, ça ressemble un peu à du Ghost. Pas du tout la même prod, pas du tout la même voix, hein, donc venez pas me dire, mais pas du tout, ça ressemble pas. J'ai trouvé par certains côtés. Oui, oui, mais après, ça c'est. Voilà, on a tu vois, pas... sur le dernier album, il y a un peu de trucs ambiance, un peu de trucs atmosphériques par moment, voilà, ça me faisait un peu penser à ça. D'accord. Donc l'album, je l'ai écouté plusieurs fois, c'est très agréable, c'est très. Très atmosphérique, très. Très psyché et en même temps rock, mais vraiment agréable. Et j'étais persuadé, mais alors persuadé, que le groupe jouerait sous la vallée à cause de ça. Ouais. Tu vois ? Apparemment, de ce que j'ai vu aussi dans les cendres donc de The Devil Blood, qui était un groupe un peu plus porté sur des paroles sataniques. Donc là, je me suis pas trop renseigné sur Dool, à savoir si c'est le cas. Mais j'étais hyper surpris parce que Dool va jouer samedi sous la Temple. Ok. Donc. Non, mais il y a des choses aberrantes comme ça. Non, mais alors déjà, il n'y a pas. Je dirais pas aberrantes, mais franchement, quand t'écoutes, c'est très. Je te ferai écouter un peu après à la fin du podcast, mais c'est pas du tout. Dans l'esprit de la Temple. C'est pas, après, je sais pas si on peut parler d'esprit, mais il y a des groupes où t'es surpris, enfin, où t'es pas surpris, tu dis ouais, ok, je vois genre. Là, vraiment, je le voyais sous la vallée parce que atmosphérique, un peu ambiante, ouais. Un truc. Mais à côté de ça. J'ai vraiment beaucoup aimé l'écoute de l'album et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai écouté, ça m'a bien plu et je serai sûrement devant. J'ai bien bien kiffé, il y a l'air d'avoir une bonne énergie de ce que j'ai pu comprendre, en plus en live aussi, il y a un truc qui est bien, donc ouais, je suis complètement hypé pour aller voir le groupe. Moi. Ok. Ça m'a bien plu. Dool, je recommande. Pouce levé. Pouce levé. À toi, Boob. Ah ouam. Alors, Lofofora. Tiens, qui est un groupe USA Metal Prog, Rock Prog. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Non, Lofofora, qui est un groupe de rock, heavy rock. Bon, pourquoi pas. J'ai plus laissé rock, vraiment. Heavy metal, fusion, punk, hardcore, new metal, français. Là, je suis plus d'accord. Cocorico. Français originaire de Paris, formé en 89 et composé de Renaud chant, Phil à la basse, Daniel à la guitare et Vincent à la batterie. On fait du monde. Le nom du groupe, sais-tu d'où c'est-il qu'il vient ? Pas du tout. D'accord, eh bien je m'en vais te le compter. Le nom du groupe est une ref au Peyote. Voilà. D'accord. Le Peyote. Ou Peyote. Voilà. Les paillotes. Le peyote. Les trucs qui crament en Corse. Les paillotes. Non, non, non, c'est pas un truc implanté illégalement pour vendre. Non, non. Ah putain, merde. Pardon. Non, c'est un petit cactus sans épines, originaire du sud de l'Amérique du Nord. Le peyote contient plusieurs alcaloïdes, dont la mescaline utilisée pour ses propriétés antogènes, pardon. Psychotropes et hallucinogènes. D'accord. Voilà, ils s'en servaient pour les rituels indiens, tout ça. D'accord. Tu vois, ils mettaient ça dans les potions et tu partais loin, loin, loin. Et le nom scientifique de ce petit cactus hallucinogène, je te le mets dans le mille. C'est Fofolora. Presque. Fallout Boy. C'est... non plus. Lofofora. Lofofora, yes. William C. Oh, c'est voilà, très précis. Sauf que Lofofora s'écrit PH. À la place des F. D'accord. Le F de Lofo s'appelle c'est PH. Donc voilà, Lofofora. Ouais. L-O-P-H-O-P-H-O-R-A. William C. Eh bien. Donc voilà, le nom scientifique. Alors pour ma part, Lofo a toujours su taper dans le mille. Hein. On peut pas. Ça c'est. Oui, tape dans le mille. Comme j'aime à le dire. Comme t'aimes à le dire. Voilà. Sans être un fan absolu, j'ai toujours plaisir à écouter et ce, n'importe quel album. Ouais, n'importe quel album. Bah, quasi tous les albums, et c'est vrai qu'à chaque fois. Voilà. Et pourtant, tu en as peu dans ta discographie. Ah, elle est bonne ! Non ? Non, c'est une vraie remarque. Non, c'était pas une blague. Mais t'en as pas ! T'en as ? Mais j'en ai eu plein des Lofo. Bah, t'en as eu ! J'en ai eu, ouais. Oui, mais là. Non, j'ai que le fond et la forme. Bah alors, tu vois. J'ai eu le double, j'ai eu le premier, j'ai eu peu, justement. Et tu, c'est pour et ça tu que peux je ne pas taper dans tes mains. Voilà. Parce que ça fait du bruit. Je ne tape pas dans mes mains. Je t'entends. Ah, d'accord. Je fais des... Agadou. Bon, bref. Voilà. Non, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Non, si, j'en ai eu pas mal. Non, mais j'ai que t'en as eu, ça change quoi? Tu les as plus? Bah oui, je les ai plus parce que je me les suis fait piquer. Oh. Voilà, tu crois que quoi ça, tu crois que ça me fait plaisir? Tu veux qu'on parle des choses qui fâchent? C'est pas moi qui les ai piqués. Ah ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Pétain, salaud. On se connaissait pas, de toute façon, à l'époque. Moi, il y a un truc... Mais c'était pas plus mal. Que j'ai dit cette saison 3 de Star Wars, il n'y aurait pas de saison 4. Voire pas de fin de la saison. Pardon, je t'ai coupé. Donc est-ce que t'as... Vas-y. Non, non, je voulais dire, en fait, moi, il y a un truc. J'ai écouté un petit peu aussi la playlist que j'ai faite. Et à un moment donné, j'ai beaucoup rigolé parce que je me suis imaginé, quand tu écris des paroles, il faut les déposer à la Société des auteurs. Et quand tu déposes la chanson Buvez du cul. Je me suis dit quand même faut y aller. Bah ouais, buvez ouais. du cul. Ah. Oh, buvez du cul. Ah ouais. Voilà, je dépose. Merci. C'est très... Eh oui, non, mais il y en a qui osent. Ah, que veux-tu? Enfin, il y a eu pire. Oui, non, mais c'est voilà. Il y a eu pire que ça. Donc voilà. Non, mais après, même le dernier, moi, je trouve que c'est la suite logique de ce qu'ils ont fait. Donc c'est ce que j'ai noté. C'est un petit moment de calme entre potes, quoi. On avait déjà chroniqué cet album. C'est une espèce de parenthèse, comme une pause sans en faire une, en fait, quoi, je trouve, cet album-là. Je trouve que c'est exactement ce qu'ils savent faire, mais en... C'est comme s'ils faisaient une pause, en fait. Tranquillou, quoi, entre potes. Moi, je m'imaginais vraiment la soirée, tu vois, les mecs qui prennent les instruments, Renaud prend le micro, ça soit sur un tabouret, puis hop, c'est parti, quoi. On passe un bon moment. Voilà. Ouais. Et franchement, l'album est très, très bien, quoi. C'est tout à fait dans la veine de ce que j'aime de Lofo, quoi. Ouais. Les paroles efficaces, musicalement c'est efficace, enfin voilà, quoi, depuis le début, moi je... Voilà. Eh ben, moi, pas au début, étonnamment. Quand j'étais jeune, en fait, j'ai fait... Lesquels? On va dire vers 96, je sais pas les dates exactes. Ouais, donc t'as fait Lofo, peu... Et en fait, ce qui s'est passé... Non, mais en fait, j'ai pas accroché au début parce que... Bah, je sais pas, j'aimais pas, ça me correspondait pas. À ce moment-là, à cette période-là. C'était pas pour moi, par contre, je reconnais que je me suis trompé parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai écouté, je trouvais ça mais tellement efficace, que ça soit Buvez du cul pour le côté punk de ouf, ou le fond et la forme. Enfin, il y a une énergie qui se dégage, mais c'est impressionnant. Des paroles énervées, mais que tu. Enfin, il a une manière de balancer même les pires trucs, je trouve que ça. Passe quoi aujourd'hui? Ah bah Macho Blues par exemple. Ouais, non mais c'est... Bah, j'ai connu Lofo avec l'œuf justement, qui était assez... Ouais, non mais voilà. c'est assez impressionnant justement, et que d'arriver à une telle qualité, même qu'on peut dire une certaine classe dans leur album acoustique qui va dans une certaine continuité. Je sais pas si ça sonne la continuité parce que je connais pas assez bien tout Lofo, mais il y a une certaine authenticité qui se dégage de tout ce qu'ils font. Et... Ah bah depuis le début, c'est vrai qu'à ce niveau-là, au niveau authenticité, c'est vrai que le faux, pour ça, moi, je les trouve... Et ce qui est assez fou, c'est que je les avais vus au Download, en concert, je les avais jamais vus avant, et j'ai pris une claque, mais... Déjà, parce que... Bah, ils sont plutôt jeunes quand même non plus, et que... On pourrait croire que c'est un peu moins énergique, bah, pas du tout. Non, ça envoie toujours autant. Et franchement, ça passera dans la catégorie en main stage le vendredi en 100% franchise. Ouais. Mais je pense que je serai pas loin, quoi. Sauf. Parce que là, ça va envoyer du lourd, quoi. C'est ça que j'aime bien chez Lofo, quoi. C'est, autant ils ont des textes très engagés. Ouais. Mais il y a toujours. Dans chaque album, tu as toujours une pointe d'humour qui est comme la chanson, justement, Chanson d'amour. Je la trouve géniale, ça. J'étais mort de rire en l'écoutant, quoi. C'est mort de rire. Je ne la connais pas, donc je vais pas faire semblant. Bah, tu l'écouteras. Je l'écouterai. Je sais pas, ils ont cette authenticité, ouais, comme le morceau qu'ils ont fait avec King Ju sur quel album, je ne sais plus. C'est ça aussi, je trouve que à ce niveau-là, Renaud, il arrive à chanter, mais aussi à phraser, je sais pas si on dit ça comme ça, dans le chant un peu hip-hop, mais je trouve qu'il a aussi des fois un chant un peu hip-hop. Mmh. Il chante pas simplement, quoi. Il arrive à... Et ça, plus vers les premiers albums, je dirais. Mais ouais, il avait ce côté un peu mélange dans les années 90 qui se faisait beaucoup aussi, quoi. Ouais. Ce mélange de hip-hop qui je pense qui est venu des États-Unis, j'imagine. Bah, ça a été un peu metal, le hip-hop. Voilà, le nu metal. Hein. Le nu metal, voilà. Un peu comme ça. Et du coup, je trouve que ça passait bien et ça passe encore bien maintenant. Et je trouve que c'était pas trop prononcé. Donc la transition entre ces deux chants, c'est vachement bien fait. Et enfin, voilà, ça. Ouais, non, ça match bien. Ouais, non, c'est un très très bon groupe français. Ouais. Et qui fait pas plus de bruit que ça. Mais en fait, non, justement, je pense qu'il aurait tendance un peu à se faire oublier. Ou alors c'est parce qu'il est pas dans notre radar à nous, mais. Je sais pas, je pense qu'il a. Il arrive à accumuler des fans depuis des années, parce que vu qu'il bouge pas, moi, perso, depuis que je les connais, bah, depuis le premier album, en fait. Je trouve que ça, c'est pas que ça bouge pas, il y a une évolution, certes, niveau musical, niveau texte. Ouais, mais pourtant, il n'y a pas groupe, de la tant d'albums ça. Que ça. Hein. Bah, quand même, si. Ils ont 9 albums, quand même. Ouais, mais depuis le temps, ça fait pas. Bah, depuis 94, ouais, bon, c'est pas mal. Bah, vas-y, toi. Vas-y. fais les 9 albums fais depuis 94. Non, mais regarde, attends. Hey. Oh. Bon, bah les dates, c'est rangé n'importe comment. Mais, bah, attends. Hey. Oh. Hein. Regarde, non, mais les preuves du contraire, 2014. Les preuves du concert, 2015. Donc, live. Ouais. Simple pareil, 2018. Donc, ça va, quoi. Et avant, c'était 2011. Donc, ça fait un album tous les 3 ans. Eh ben, ouais, c'est ça, quoi. C'est qu'on n'entend pas trop parler d'eux, bah, mais ça. Ils sont là, et ils ont leur lot de fans. Mais aussi, Renaud participe à beaucoup d'autres trucs à côté. Hein. Oui. Il a un autre groupe. Oh, il en avait pas qu'un à une époque, je crois. Oui, non, mais il y en a plusieurs, mais il y en a un autre qui est... Enfin, au moins comment un qui est toujours... Comment c'était qui s'appelait ce groupe-là, que j'avais beaucoup aimé. Kainan, il y a un truc... Ah si, moi j'avais bien aimé Mudweather. Ouais, exact. Pourquoi je répète plusieurs fois exact, je sais pas, mais parce c'est que c'est exact. Et il y avait. Puis là, en ce moment, il est avec les Tambours du Bronx. Oui. Donc, et il fait le bal des enragés aussi. Il fait le bal des enragés. Donc, Sont des gens occupés malgré tout. Mais c'est ça, tout à fait. Mais non, faux, non, fait pas plus de bruit que ça. On a entendu, forcément, on a vu et entendu leur dernier album sortir. Ouais. Donc. Simple appareil, on l'a vu sortir. Voilà, mais. Ça n'a pas fait plus de bruit que, par exemple, le dernier Massistaria. Non, c'est normal. C'était plus discret. Oui, c'est normal. En fait, ça a plus fait du bruit parce que c'était un album acoustique. Pourquoi ? Pourquoi c'est normal ? Parce que Massistaria est, on va dire, un des groupes les plus populaires aujourd'hui. En termes de... Donc forcément, plus tu es populaire, plus tu fais de promotion. Plus tu fais de promotion, plus on parle de toi. Plus tu es populaire. Je veux dire, il y avait plus de pages dans un rockard pour la sortie du nouveau Massistaria que la sortie du Le Fofora. Pourtant, il y a eu un article quand même, il y avait des interviews. Ah oui, non, mais il y en a toujours, forcément. Mais c'est une page, ouais. Deux pages peut-être. Ouais. Voilà. Alors Massistaria, ça devait être 3-4. Mm. Voilà, donc c'est... Mais c'est... quand c'est normal, je dis pas que c'est justifié, je dis que c'est normal. C'est pas... Je t'en veux pas. La question est-ce que tu seras devant oui. Le groupe ? Oui, tu y seras, oui. Malgré la main stage ? Bah, c'est ça qui fait chier. Et malgré s'il y a quelqu'un d'autre en face ? Oui. Tu penses ? Faut vraiment... Bah non, parce que déjà... Non, ouais, je pense que ouais. Ouais, ouais. D'accord, très bien. Ouais. On passe au prochain ? C'est quoi ces questions là, que tu me poses ? Je suis intrusif. Bien curieux. Je m'excuse. Allez, vas-y. Je vais passer à un groupe que je n'arrivais pas à prononcer. Bozokens. Mais oui ! C'est ça ? Tu vois. Qui est un groupe de rock, punk rock, hard rock allemand, originaire de Francfort-sur-le-Main, formé en 1980. Ah, quand même. Ouais, le groupe est reconnu de par son succès et sa longévité, 1980 à 2005. Oui, j'ai eu du mal à le dire, c'est pas quoi. Mais sort un album en 2007. Donc ils ont arrêté en 2005, mais un album est sorti en 2007. What the fuck. Où le groupe se sépare, mais se reforme 9 ans plus tard, en 2014. Ressort un album, le dernier, en date, donc 2016. D'accord. Tu suis ? Non. Il y a eu 9 ans où ils n'ont rien branlé. Oh, les feignasses. Ouais, je sais bien. Le groupe chante en allemand, ce qui est déjà quand même assez couillu, excepté les reprises comme « Je t'aime moi non plus », « My Generation », etc. Le nom provient du surnom qu'on leur donnait dans leur quartier de Francfort, où on leur disait « Guckma die Bozenhocken !» Regardez, ce sont les méchants oncles. Oh là là. Qui est quand même la pire vanne que tu puisses dire à quelqu'un. Regardez là, les méchants oncles. Ouh, les méchants oncles. Au début des années 80, le groupe rejoint le mouvement Hoy et bien sûr le mouvement Skinhead, alors apolitique. Skinhead. Ah ouais. À l'époque. Ce qui n'est rien de. Alors apolitique, non, mais c'est important. D'accord. C'est les fameux skinheads dont on a déjà parlé, ceux qui étaient apolitiques, qui se revendiquaient pas du tout de. Tout à fait. On est d'accord. C'est plus anglais, ça. Oui, c'est ça. Enfin, c'était lié. Oui, mais c'était lié à ce mouvement-là. Oui. Ouais. D'accord. Deux chansons jamais sorties sur LP, single ou album prêtent pourtant à confusion sur les pensées du groupe. Turken Ross, les Turcs dehors, et Deutschland den Deutschen, l'Allemagne aux Allemands. Le groupe parlera de ses dérapages comme des erreurs de jeunesse et n'aura de cesse de s'expliquer à ce sujet pendant les années 90, où le boycott des médias est bien présent malgré un succès toujours plus important. En 2001, MTV décide de faire un documentaire qui retracerait l'histoire du groupe, mais le documentaire va être détourné pour essayer de mettre en avant la période skinhead du groupe qui remonte à 15 ans en arrière. En 92, donc un peu avant 2001, parce que, ah ouais, un peu, du ouais, coup, effectivement. Un journaliste a même déclenché une grosse polémique en croyant décrypter un message secret sur une piste lue à l'envers. On comprendrait Harrier Hon, Arien en avant. Cependant, le titre exact n'est pas Norera, mais Norea, qui est le nom d'une déesse nordique. Du coup, les Allemands étant taquins, ils ne se laissent pas marcher dessus. En réaction à cette affaire, le groupe enregistra un morceau qui contiendrait des paroles à l'envers. Et une fois décrypté et remis à l'endroit, on peut comprendre. Félicitations, ça a dû être un gros travail de remettre cette chanson dans le bon sens. Soit tu es un de ces trous du cul paranoïaques pour lesquels nous avons fait cette chanson, soit tu es juste simplement curieux. Au premier, voilà ce que nous disons. Celui qui soupçonne qu'il se trouve à l'envers sur nos disques des messages satanistes ou fascistes doit être complètement stupide et doit en outre souffrir d'un délire de persécution extrême. Pauvre type, tu nous fais vraiment pitié, enferme-toi à clé et jette la clé très loin de toi. Cool. Voilà. 17 albums studio, 7 live. Quand même. Bah ouais. Ah ouais. 17 albums studio, dont une période de 9 ans, et le dernier remonte à 2016. Donc les mecs. Ah ouais, ils ont accéléré le mouvement. 7 live et moult autres singles et EP. Et c'est exactement ce qui a été dit dès la première ligne. Groupe de rock, punk rock, hard rock allemand. C'est exactement ça. Quoi. D'accord. Donc, c'est pas du tout désagréable, alors sauf peut-être la période skinhead. Ouais. Le Hoy, c'est pas évident à écouter. Hein. Non, mais de tout ce que j'ai pu en écouter, ça passe bien. Ça fait très punk rock, hard rock, un peu FM, tu vois, le gentil punk rock, le gentil hard rock. Ah ouais, ouais, ça alterne un peu entre tout ça sans être. Ça reprend vraiment des refrains faciles et entraînants de trucs punk rock, mais tu sens pas du tout le côté punk énervé, c'est le côté. Ouais, y a pas de revendication, y a pas de. Enfin, plus virulente que ça, quoi. Bah, peut-être dans les paroles, juste de ce que j'ai. Ouais, au niveau du chant, ça se sent pas, au niveau de l'énergie. Bah, ça passe bien, ouais. Ça s'écoute bien, mais c'est pas méga entraînant. Enfin, y a quand même un vrai côté hard rock, un peu FM qui peut. Enfin, c'est pas du tout le même style, mais qui peut rappeler la facilité d'écoute un peu d'un Scorpion, d'un truc comme ça, quoi. Ah ouais. Non, mais c'est facile d'écoute, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois, j'ai pas trop d'autres exemples pour comparer parce que ça s'écoute très facilement. J'ai pas pu écouter tout des 17 albums studio. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais ça s'écoute bien. Il y a 2-3 albums de temps en temps qui sont un peu moins. Où j'étais un peu moins dedans. Mais voilà, ça s'enchaîne. C'est le groupe que j'ai le moins écouté de mes 4 groupes, parce que j'avais l'impression d'en avoir vite fait le tour, en fait. Ouais. Ça sonne comme un vieux groupe des années 80. Quoi. D'accord. Voilà, c'est ni nul, ni bien. Ça sonne un peu vieux. Par contre, le groupe est ultra populaire, ultra connu, et étonnamment. Moi, je ne le connaissais pas, mais ça ne veut pas du tout dire. Uncles. Ouais, Boz Uncles. Je te ferai écouter à la fin, tu verras. C'est vraiment très. Ça s'écoute bien, quoi. D'accord. Ouais. Eh bien, pourquoi pas. Eh bien, voilà. Alors, sinon, ça passe en Main Stage 2 le samedi. Et non, je pense pas que je serai devant. Non, non, non, non. Non, mais parce que c'est... S'il y avait rien, je pourrais y être. Ouais. Mais de moi-même, j'irais pas. Ouais, ça... Voilà, tu vois. Tu vas pas dire, oh, putain, merde, presse le pas, il y a Booz Uncles. Ouais, non, non, ouais. Non, non, non, non, non. Tu vois, c'est pas comme la semaine dernière où, quand je parlais de... Ah, merde. Du groupe de Buffalo Grill que je trouvais qu'elle était bien pour démarrer la journée. Soit c'est dans le même esprit, ça peut être sympa pour démarrer, mais j'ai pas spécialement envie d'y être. Ouais. Voilà. T'as pas spécialement envie de bien démarrer la journée. Non, j'aime bien mal la démarrer. Moi. Ouais, le samedi matin en général, de toute façon. Je suis assez horrible. Hein. Ouais. Pas le vendredi par contre. Non, le vendredi ça va. Ouais. C'est le jeudi soir. Ça dépend du jeudi soir. Ça dépend du jeudi soir. Une année ne fait pas l'autre. C'est vrai. Faut pas être comme ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Prends garde à ce que ça devienne pas une habitude. Oh non, non, non. Oula! Là, je peux te dire que... Tu bois quoi, Jack? De l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Voilà, voilà. Je prends 2 litres d'eau. Pendant 4 jours. 4 jours d'eau. C'est et, tout. Et tu prends quoi dans ta bière? Je prends de l'eau quand même. Ouais, ouais. Moitié bière, moitié eau. Et re-moitié eau derrière. Je t'en prie, excuse-moi. Ah, c'est donc à moi. Du coup. Alors, moi, mon deuxième groupe, eh bien, je vais me lancer sur Within Temptation. Oh, la chance! Oui, c'est ça, ouais. Qui est un groupe néerlandais. Encore? De metal symphonique. Ouais. Parce que d'où c'est... pays. Voilà, qui est un groupe néerlandais de metal symphonique. Tiens. Ce groupe fut créé en 96 par la chanteuse Sharon Den Adel et le guitariste Robert Westerholt. Donc, ils ont 7 albums studio. Mm-hmm. Ils sont 6 dans le groupe. D'accord. Et ils font du métal symphonique avec une fille qui chante, qui fait des lyriques. Ouais. C'est très symphonique. Ouais, ouais, ouais. Il y a des synthétiseurs. Ouais. Un peu comme dans Dimmu's Borgir. Et voilà. Ah, non, t'as oublié de préciser qu'ils passeront en Main Stage 2 samedi. J'ai oublié de préciser qu'ils passeront en Main Stage 2 samedi. D'accord. Et t'as bien aimé? Non. T'as écouté quoi? Le dernier. Ah bah. Et les 3 premiers. Attends, le dernier, au début ça va. Non, j'ai écouté Hydra aussi. Un peu. Ah, l'ami Hydra, il paraît qu'il est pas bien. Je sais pas, après je connais pas. Non, mais j'ai lu l'interview, il disait Hydra. Le dernier est déjà un peu plus rock. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bah non. Non, non. Enfin, il y a un côté gothique, mais. Ouais. C'est... Non, pas. Ça t'a pas... Ah, pas du tout, non. Ça m'a pas hypé. Non. Ah, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Tu seras pas devant? Si, si, si. Ah bon? Non, bah bien non, sûr que non. Si, imagine, il y a rien d'autre. Question de merde. Il y a rien d'autre, imagine. Les autres groupes sont tous malades. Mais il y a plein de choses à faire. Il y a plein d'autres choses à faire pendant ce temps-là. Je peux faire un caps avec Mickey Mouse. Non, tu peux pas faire de caps. Pourquoi? Parce que t'as pas de capsule de bière. Bah si, je vais au camping. Ah. À ce temps-là, si tu vas au camping, tu reviens plus, hein. Parce que c'est à quelle heure? Bon, ça doit être en tête d'affiche, non? Ouais, bah oui, c'est en fin de soirée. Et bah justement. Il faut se coucher tôt. Non, il y aura quelque chose sous la vallée, il y aura quelque chose en Warzone, il y aura quelque chose en Temple ou en Altar. Tant pis. J'ai confiance. Me laissez pas tomber, putain! Donc t'as pas aimé? Ah, pas du tout. Bah, alors, bon. C'est pas... trop hippie pour moi, c'est trop. Écoute, j'ai écouté une chanson du dernier album. Reckoning, je crois. Ouais, c'est possible. Et il n'y avait pas de lyrique dedans, et du coup, j'ai dit oh, ça va. Contrairement à ce que j'avais peur. Bah, j'ai lu quand même vite fait ce que le pourquoi du comment, mais. Non, ça me parle pas. J'arrive pas, quoi. C'est trop. Qu'est-ce qui te dérange le plus? Le lyrique dans la voix? Ah, c'est les chants, c'est les synthés. Le lyrique dans la voix ou le synthé? Bah, tout. Dans l'ensemble, en fait, il y aurait que du synthé, ça irait. Ah c'est bon un mec tout seul sur scène avec son synthé. Ça va. Ça me dérangerait pas. Ou une grossesse toute seule, comme ça, sur scène, ça me dérangerait pas. J'irais pas les voir, mais ça me dérangerait pas. Ah, donc quelque part, c'est peut-être plus le lyrique qui t'embête. Non, non, non, c'est vraiment le mélange de. Je sais pas, ça me parle pas, j'arrive pas, j'accroche pas, c'est un truc de fou, c'est pas. Voilà. Apparemment. Merde, ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'en as gros sur la patate. Ah, j'en ai gros, ouais. Si, on en a gros. Non, non, non, franchement, j'arrive pas, quoi. Là, je me suis forcé à écouter le troisième album, je crois, où c'est une nénette, une rousse, là, où le fond est vert. Toi, tu me regardes comme si je savais de quoi tu parles. Ah bah si, tu vois la pochette, c'est obligé. Même moi, je l'ai vu quand il est sorti, cet album-là. J'ai fait, enfin, je l'ai vu et je me rappelle de cette pochette. D'accord. C'est assez. J'ai écouté ça. Ça commence dès le départ, quoi. C'est pas possible, quoi. Non mais. Oh. Non, c'est pas possible. Sans tête d'affiche. Mais j'en ai rien à secouer. Déjà, je suis pas un gars de la main stage, moi, donc. D'accord. Bah, tous tes groupes passent en main stage. Hein. Mmh. Spoiler. Putain, ouais, chier. D'accord, bon. Ouais, bah ouais, fais chier. Autre chose à dire ? Bah, qu'est-ce que tu veux ? Non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais non, mais je sais pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Muslim Temptation ? Mais j'aime pas non plus, donc j'ai pas... voilà. Ah bah, écoute, s'il y a des fans, bah, je vous mets au défi de me faire aimer au moins un morceau. Pas mal. C'est tout à fait, c'est tout à ton honneur. Pas vu mal, les retours qu'on a avec le podcast, c'est clair que. Attends, on a combien de temps là ? Parce que là, 1h20, c'est mort. Très bien. Bon bah, je passe à le groupe suivant alors. Bon bah, je vais aller chier du coup. Mais non, allez, déconne. Ah bah non. Non, bah non. Ok. C'est bon ? Bah ouais. Qu'est-ce que tu as ? Mais c'est pas grave. C'est très bien. Déjà. Ah non, mais attends, moi je m'en fous. J'aime pas. Après voilà. Et c'est tout à ton honneur. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui me disent ouais, mais tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, il se trouve. Ouais, voilà, ça, ce serait bien. Ouais, je suis d'accord. Ça, j'aimerais bien. Un peu d'échange. Ouais, ce serait cool. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Bah après, c'est pareil, regarde, tu m'as dit samedi soir, ouais, ils nous connaissent, ces gens-là, mais ils nous ont rien dit. À part la vanne de hey, ils pourraient faire une émission là. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Très bonne vanne, hein, si jamais t'écoutes. Ouais. Très bonne vanne. J'adore ton humour. En direct. Alors. Mon groupe prochain est Gojira. Ah, ça quelque chose. Cocorico. Donc, Godzilla est un groupe de métal extrême français, Cocorico, comme je l'ai marqué, originaire d'Ondres, dans les Landes. Godzilla, t'es sûr. Formé en 1996 et auteur de 6 albums. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Exact. En 1998, Roland Emmerich réalise le remake américain de Godzilla et dépose la marque partout dans le monde. Du coup, le groupe change pour Gojira, qui est la prononciation japonaise de l'animal. Le groupe, qui n'a pas changé de line-up depuis l'enregistrement du premier album, comporte deux frères, à savoir Joseph à la guitare et au chant, mais qu'on a tous tendance à appeler Joe. Comme notre Joe à nous. Et Mario, son petit frère à la batterie. D'ailleurs, à noter qu'au début, il hésitait à le prendre dans le groupe parce qu'il trouvait qu'il était peut-être un peu trop jeune. Mais très bon. Putain, et d'ailleurs, j'ai vu des vidéos de lui. Ils gardent, quand je dis qu'ils ont depuis l'enregistrement, ils ont le même line-up. Parce qu'en fait, au tout début, il y avait un autre bassiste, mais il a changé juste avant l'enregistrement. Donc vraiment, depuis le premier enregistrement, c'est toujours le même line-up. Ce qui est rare, quand même. Oui. Mais c'est bon de le noter. Joe chante en anglais. D'ailleurs, le groupe est reconnu à l'international avec 2 nominations au Grammy Award pour meilleur album rock et meilleur album metal pour Magma en 2017. Plusieurs participations à d'autres groupes pour Joe, la plus notable étant sur le premier album des frères Cavalera, pour le groupe Cavalera Conspiracy, où il tient le rôle de bassiste. Parce que, pourquoi pas ? En fait, en gros, ça doit être super bizarre quand on t'appelle. Ça doit être Max Cavalera qui dit « Hey, Joe, ça va ? Ouais, Max, qu'est-ce que tu fais ?»« Bah, j'enregistre un album. » Bah, je suis con, tu fais ça à longueur d'année. « Pourquoi tu m'appelles ?»« Eh ben, écoute, là, je suis avec Igor. »« Non, sérieux, vous reformez un groupe ?»« Ouais, Cavalera Conspiracy. » »« Génial. »« Ouais, puis on a pensé à toi. »« Ah bah, cool, pour faire la basse. » J'arrive. Voilà. C'est ça. Quand t'es chanteur, guitariste de ton groupe et qu'on t'appelle pour faire bassiste d'un autre groupe, c'est étrange comme démarche. Bon, après, voilà, t'es Zikos ou tu l'es pas, quoi. Oui, mais c'est... Je pense que déjà, à la base, Joe devait être certainement fan de Sepultura et tout ça. Non, mais la question elle se pose pas, t'y vas. Mais c'est juste que c'est bizarre. Genre, y a pas un seul autre bassiste au monde pour qu'on est obligé de prendre un guitariste. Ah oui, dans ce sens-là, tout à fait. Je te rejoins. Tu vois, c'est plus ça. Laisse-moi 5 minutes, le temps de me préparer. Pour... Ok. Alors, groupe souvent étiqueté de complexe, d'écologique, voire de bio, par moi-même. Bon nombre de thèmes abordent la vie, la mort, la spiritualité. Spirity. Spirituel. Putain de merde. Ça, on la a une 25, ça devrait aller. Oh, c'était pour la blague. Le corps humain des baleines, la nature, avec de nombreux clins d'œil à la philosophie indienne, au vocabulaire de l'hindouisme et du yoga. Le groupe est également un fervent défenseur de l'association Sea Shepherd. C'est ça. Voilà. Alors, que dire d'autre de qu'est-ce que j'en ai passé ? En fait, pour moi, Gojira, souvent, ça a été un groupe que, dont je reconnaissais l'énorme talent et la qualité technique, mais qui, musicalement, sur l'entièreté d'un album, avait tendance à me perdre au bout d'un moment. J'avais tendance souvent à décrocher. Sauf avec Magma, où j'ai trouvé qu'ils avaient vachement adouci le côté technique pour faire un album beaucoup plus facile d'accès. Parce que je trouve que la musique de Gojira n'est pas facile d'accès. Avant Magma, en tout cas. Je trouve qu'il y a quelque chose... faut vraiment donner un peu de soi. C'est pas une musique que tu reçois. C'est pas pré-mâché, c'est pas on te la donne. C'est pas... Et c'est plutôt bien. Hein. Mais faut vraiment y aller, quoi. Alors que Magma, sans être non plus devenu un truc mainstream à mort, ils ont un peu adouci la technicité. C'est beaucoup plus des hits en puissance, je dirais, que ce qu'on a trouvé, enfin ce qu'on pouvait trouver sur les autres albums. Et là, en réécoutant un peu d'anciens albums, j'ai eu plus de facilité. Peut-être que Magma avait servi de tremplin plus facilement, même si vraiment les morceaux de Magma sont beaucoup plus efficaces, je trouve, direct. Mm-hmm. J'ai moins besoin de me mettre dedans. Il y a quand même encore un peu dans les premiers albums où je ne vais pas dire que je trouve ça long, mais je trouve ça peut-être trop complexe pour arriver à écouter comme ça. Mais ça reste un très grand groupe, un groupe que j'aime beaucoup voir en live, que j'ai vu 3 ou 4 fois la même année il y a 3-4 ans, et qui vraiment est d'une régularité et d'une propreté en concert. Tu as vraiment l'impression de comme d'entendre un CD, quoi. C'est vraiment la même, quoi. Ils sont super. C'est pas vraiment ce qu'on demande à un live, quand même. Non, mais tu retrouves quand même avec l'énergie en plus, je veux dire. Mais oui, bien sûr. Tu retrouves la même technicité. Il y a pas de... Je veux dire, quand t'écoutes Gojira, tu vois que c'est précis. Ah oui. Et tu retrouves la même précision en live. Il y a pas d'embrouille, quoi. C'est pas... Mais tu trouves quand même une certaine énergie. Quand on les avait vus au Hellfest, pour Magma, c'était... Ça cartonnait, quoi. Ah oui, complètement. Donc, non, c'est un groupe que j'aime beaucoup, mais dont j'ai quand même toujours un peu de mal à écouter les anciens albums en une seule traite. Pour ma part. Ok. Et toi, qu'en as-tu pensé de Gojira ? Qu'est-ce que j'en ai pensé de Gojira ? J'adore Gojira, forcément. J'ai découvert Gojira avec Link. Tout sérieux, ça. Hein ? Link to Sirius. Link tout court, je crois. Ah bon ? Ouais. Non, peut-être, je sais plus. Enfin, c'est l'album, le deuxième album, quoi. Mais peut-être que je me trompe. Non, mais vas-y, parle, je check. Vas-y. J'ai découvert à la sortie de Link. Ah oui, The Link, pardon. The Link, ouais, pardon. Oui, d'accord. Voilà. J'ai tout de suite accroché. J'adore cet album. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas découvrir le premier album, Terra Incognita, qui était un petit peu plus brutal, si je me trompe pas. Ouais. J'ai adoré cet album. On le trouve. Je l'adore toujours. On arrive moins à la partie technique, justement. Ouais. Mais c'est un très bon album. Ouais. Franchement, pour ma part, comme j'aime à le dire, c'est un très très bon album. Je me suis un petit peu... décroché, on va dire, de Gojira. J'ai suivi, mais de très loin. Pourquoi ? Pour qui ? Je ne sais pas. J'ai repris il y a peu de temps, justement, avec L'Enfant Sauvage. Ouais. Voilà. Un album que j'ai aussi, que j'ai acheté, que je trouve très bien aussi. C'est vrai que ça reste assez complexe. C'est vrai que Gojira, c'est un groupe qui n'est pas facile d'écoute. Ça, qui n'est pas facile à appréhender. Merci. Voilà. Mais musicalement, moi, je trouve ça très, très, très propre. Et ce qu'ils veulent faire ressentir, moi, je le capte, en fait. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que j'accroche. Et oui, Magma, oui, c'est vrai que c'est un petit peu plus... comment on pourrait dire ? Pas plus... c'est un peu plus ouvert, on va dire, un autre genre de public. Ouais, un peu... Qui pourrait découvrir... Gojira, grâce à Magma, justement. Ouais, je pense. Qui est un petit peu plus facile d'écoute. Mais qui reste très très bon album. Donc ouais, non, Gojira, Cocorico reste un de nos, voire peut-être même le meilleur groupe de death metal français. Ah bah, le plus grand en tout cas. Bah, le plus grand. Voilà. Réputé, on va dire. Ouais. Mais c'est mérité. Totalement. D'ailleurs, par contre, on n'a pas répondu à la question. Je pense que je serai devant, ouais. Si, ouais. Je pense que je serai devant. Ouais, ouais. Ouais, je pense pareil. Que... Ouais. Mm. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire? Parce que je t'ai un peu coupé à la parole. Pas du tout. Bah si, Link m'avait donné envie d'acheter le... J'avais acheté le DVD, justement, live à Bordeaux. Ouais. Pour découvrir ce que ça donnait sur scène. Mais pareil, quoi. C'est... Donc t'as plein de bonus, hein, vachement intéressant avec. Mm. Et c'est là, justement, que j'ai découvert... La qualité Mario, de Mario. À la batterie, qui était déjà un tueur à... Je sais pas quel âge il avait, il devait avoir 11 ans, je crois, un truc comme ça. Mais déjà à la double pédale, et, c'était impressionnant, quoi. Donc voilà, c'est un peu aussi grâce à ça que je me suis... que j'ai gardé un petit peu le lien avec ce groupe, mais... ouais, pourquoi j'ai lâché, je ne sais pas. Mais voilà, non, je l'ai repris il y a pas longtemps, et pas déçu du tout. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a quand même un album peut-être... Ou deux, entre deux, que t'as pas écouté, alors Alors, c'est... Attends, j'ai les noms. Avec la baleine, c'est... Alors, il y a The Way of... Alors, toi, tu dis que l'enfant sauvage... C'est le troisième, en fait, moi, que j'ai... C'est après Link, en fait. Donc, après From Mars to Sirius. Voilà, From Mars to Sirius. Et The Way of All Flesh. Ouais. Bah, après, puis j'ai repris à l'enfant sauvage, en fait. Ah, il y a les enfants sauvages et l'enfant sauvage. Ah non, donc c'est un live, ça, d'accord. Les enfants sauvages, ouais. Donc voilà, il y a deux albums, oui, c'est vrai. J'ai écouté un petit peu, et c'est peut-être ça qui m'a... Bah, c'était pas la bonne période, je pense, pour moi. C'est vraiment la période où je trouve que j'ai du mal à écouter en entier, quoi. Ouais. Mais pourtant, je reconnais énormément les qualités, hein. C'est juste que c'est... Ouais. Il y a des albums comme ça, des fois. Après, j'ai pas... Voilà, à réécouter comme ça reste énorme. Et puis même en termes de prod, hein, c'est hyper propre. Ah, c'est propre, non, franchement, c'est... Très bien. Ils méritent leur succès, en tout cas. Et ils passeront vendredi en main stage, forcément, pour la 100% franchise. Ouh. D'ailleurs, je pensais à ça. Qu'est-ce que tu penserais, toi, si je faisais les deux? Je ferais deux playlists, 100% franchise et 100% trash. Version courte et peut-être, pourquoi pas, version longue, en fait. Pourquoi pas. Comme ça, il y aurait les deux playlists qui existeraient pour si jamais ça intéresse quelqu'un. Ouais, pourquoi pas. Voilà, je t'en prie. Ton troisième groupe. Hey, Insanity Alert. Hey, mais ça serait pas dans le 100% trash, ça? C'est fort possible. Et Insanity Alert qui passe le dimanche en Main Stage 2. C'est ça. Merci de cette précision. Insanity Alert, qui est un groupe de crossover trash originaire de Innsbruck, dans le Tyrol autrichien. D'accord. Voilà. Écoute, je suis pas jaloux. Formé dans les Alpes, ce petit groupe. C'est fou, hein? C'est dingue. Donc, formé en 2011, ils ont trois albums à leur actif. Mm-hmm. Donc, c'est quatre grands gamins, fans de foot, de films d'horreur, de skate et de weed, offrent un crossover trash, ma foi, efficace, avec de la rigolade, aussi bien dans leurs albums que sur scène. Voilà. D'accord. C'est des grands gamins, apparemment. Hein, de ce que j'en ai vu, j'ai vu pas mal de clips et... Deux vidéos live, et ouais, c'est des grands gamins, quoi. C'est, voilà. Mais très efficaces sur scène, quoi. Ah, c'est con, c'est dommage qu'ils soient pas en Warzone, alors. Ouais, franchement, quand j'ai vu, je fais, oh non, sérieux, je fais putain. Donc voilà. Moi, je vous conseille, franchement, d'écouter. Surtout qu'il y a des morceaux que vous reconnaîtrez peut-être, comme par exemple le titre Moche, Moche, Moche. Qui parle des mosh pit, ou encore Saturday Grind Fever. c'est ultra efficace, en fait. C'est ultra efficace. Ah, c'est ça que j'ai écouté ou pas? Parce que j'en ai écouté c'est sur le dernier album ou pas? Parce que j'ai écouté un peu le dernier album tout à l'heure, il y avait des trucs qui me faisaient penser. C'est sorti, ouais, ça c'est Mosh Mosh Mosh et Saturday Grind Fever. C'est issu du dernier, je crois. Hein. Pour Saturday Grind Fever. Ouais, Saturday Grind Fever, ouais. Oui. Oui, je crois que c'est à une minute de la chanson. Oui, elle doit durer 2 minutes 9, je crois, un truc comme ça, la chanson. Ouais. Et je me suis dit, putain, mais c'est une reprise. Et à une minute, et à une minute, tu comprends mieux le titre. Donc voilà. voilà, donc c'est ce que j'ai mis, en fait, hein, tout simplement. Issu dans tous les cas, si vous décidez d'entrer dans la fosse pour mocher devant Insanity Alert, forcément, je vous conseille de venir avec une tenue de hockey. parce que franchement, ça dépulpe. Voilà. Ils sont pas là pour faire du marshmallow, je pense. Hein. Même si c'est la main stage jeu, bien que je trouve qu'ils aient pas vraiment leur place en main stage, mais j'aurais plus vu une Warzone, comme on vient de le dire. Le dimanche risque de se transformer dans un grand champ de bataille, quoi, devant la main stage 2, quoi. Ça va être un gros bordel. Et à mon avis, il y aura certainement, je pense, un Wall of Death. Voir Circle Pit bien, hein, bien beu, quoi. Voilà, donc je vous conseille vivement, hein, Insanity Alert. Pour ma part, j'y serai. Ah ouais? Ah ouais, grave. Ah, j'ai trop kiffé ce groupe, quoi. Ah. Le dernier album est très bon. Puis franchement, moi, de les voir rien que leur clip et leur gueule, quoi, ça, j'adore. T'as kiffé? Ah ouais, ça me fait trop penser au vieux groupe des années 80. Enfin, tu sais, c'est un gros mélange de tout et de n'importe quoi. Et ouais, c'est des grands gamins. Et musicalement, c'est ultra efficace, quoi. Bon, bah, c'est du. Je crois que le plus long morceau, il doit durer 2 minutes, 3 minutes 14, je crois. Oh, c'est énorme. Et la plupart des morceaux durent 1 minute et demie, quoi. Ouais. Qui font tout dans, l'expéditif et l'efficace, quoi. Et j'ai adoré. D'accord. Ben d'accord, c'est une... Au point de m'en acheter, toi. Non. Ouais, je te jure. Ouais, franchement. Lequel, le dernier? Ouais, le dernier, même les trois. Oh, direct. Ah ouais, pourquoi pas. Oh bah putain. Pour se foutre ça dans la bagnole le matin. Coup de cœur, alors. Ouais, carrément, ouais. Ah bah. Ouais, j'aime bien l'esprit. D'accord. Donc voilà. Très bien. Efficace. Et bah écoute, le peu que j'ai écouté, c'est vrai que j'ai bien aimé aussi. J'ai pas forcément eu un coup de cœur comme toi, mais. Ton enthousiasme donne envie de t'accompagner dans ta démarche. Je trouve ça drôle, je trouve ça efficace et moi c'est tout ce que j'aime, quoi. Donc, ah bah très bien. Voilà. Bah je vais. Insanity Alert. Je vais le noter sur ma to-do list. Sur la to-do list. Bon bah je vais passer à mon dernier groupe. Forcément, on n'a pas encore eu le groupe de black metal de cette semaine. Ah bah voilà, ça y est. Donc cette semaine, j'ai eu le plaisir d'écouter Karach Angren. Qui est un groupe de black metal symphonique néerlandais, ou plus précisément de Landgraaf, dans la province de Limbourg. Et moi, bon, bah, comme tout le monde le sait, j'ai été aux Pays-Bas l'année dernière, donc je suis un petit peu un mec de néerlandais. Eh, j'y suis allé en 2000. C'est fou. Comme quoi, on est des frères de la Néerlandie. Bah, carrément. Formé en 2003 par Sérégor au chant, Ardek au clavier et à l'orchestration, et Namtar, son frère, à la batterie, à ne pas confondre avec. Kamtar. Après une démo, un mini-album, puis vient le véritable premier album favorablement accueilli, puis un second album parce que popularité oblige. Un album tous les deux ans plus tard, nous voilà avec 5 au compteur, avec la petite particularité que ce soit Ardek, le principal compositeur, donc le mec au clavier, qui est aussi connu pour ses collaborations... Comme la grime. Quoi ? Bah Ardek, mec contre Sumitou. Bah oui. Avec ses collaborations dans le side projet Lindemann, qui réunit Peter Tagten et Till Lindemann. C'est lui Lindemann, qui... oui, d'accord. Okay. D'accord. Et c'est, en fait, c'est lui qui a fait les orchestrations et tout. D'accord. Donc il y a Till Lindemann qui est venu chez lui pour chanter des trucs. Ouais. Après, les thèmes abordés dans les paroles concernent essentiellement les fantômes et les phénomènes paranormaux. D'ailleurs, Ardek considère la musique du groupe comme plus proche du horror metal que du pur black metal. Ah ouais. Le nom Karach Angren est issu de l'univers de J.R.R. Tolkien. Il désigne un passage dans le nord-ouest du Mordor et signifie les mâchoires d'acier. Donc on est quand même face à un groupe donc de horror black metal avec des peintures sur visage et tout. Et musicalement, alors moi ça m'a fait... En fait c'est marrant parce que quand j'écoutais, ça me faisait penser à un truc et j'arrivais pas à trouver le terme exact. Et en fait j'ai dû lire une interview où le journaliste disait « Ouais, votre musique, on peut pas trop la limiter à du black metal parce qu'il y a quand même un côté hyper théâtral. » Et c'est exactement ce terme-là que je cherchais. Ouais. C'est très théâtral. Parce que, en fait, ce putain de groupe de black metal, d'horreur black metal, je l'ai surkiffé. Ah, tu vois. C'est le groupe que je t'ai fait écouter dans la voiture au retour, si tu te souviens samedi soir. Non, pas du tout. J'étais trop. Je pensais à la vitre. Eh ben, j'ai surkiffé ce groupe. Il y a vraiment un côté théâtral dans ce que t'écoutes avec des gros breaks bien, bien lourds qui viennent te stopper. Mais en fait, quand t'écoutes, c'est vrai, c'est du black metal. Mais à partir du moment où moi, je voyais autre chose que du black metal. J'avais vraiment un côté mise en scène, un peu épique par moment. Et j'ai surkiffé ce que j'ai écouté. J'ai vraiment... À un moment donné, je me suis posé la question, dit, ça y est, j'ai atteint mon quota de groupe black metal, maintenant j'aime le black metal, c'est ça l'idée. Mais en fait, non, c'est le groupe en lui-même qui vraiment qui amène quelque chose. Bah, tu pourras écouter Pierre la semaine prochaine. Non, mais c'est ce groupe-là qui a amené quelque chose, parce que j'ai été revoir un live quand même pour voir si j'aimais bien tout pareil. Et ouais, en vrai, ça marche trop bien. Enfin, j'aime bien. À un moment donné, le chanteur, il met une espèce de faux crâne sur son visage pour accompagner. Et, en fait, à un moment donné, je me suis même demandé si c'était pas d'une certaine forme. Attention, rien de péjoratif dans ce que je veux dire, mais un petit côté parodique, mais en fait, c'est le côté théâtral. Donc, théâtral marche mieux. Parce que j'avais là vraiment. Que parodique. Que parodique, en fait. Parce que c'est pas un groupe qui se moque et tout, mais ça reprend tous les codes du black metal. Et je sais pas, moi, il y a un côté mise en scène quand j'écoute qui fonctionne sur moi. Et musicalement, ça marche. Et peut-être parce que c'est un mec au clavier qui compose tout et que ça fonctionne. Donc, en fait, il n'y a pas de guitariste dans le groupe. D'accord. Donc, tu as un chanteur, un claviériste et un batteur, et ils sont rejoints sur scène par un mec à la guitare. Et ils ont des musiciens de studio et tout, mais ils sont qu'à trois. Et le groupe est assez populaire et marche bien. Et ils passent le samedi à Soula Temple, et je serai devant. Ah, je serai devant. Ouais, non, bah, j'ai aimé à ce point-là. Ouais, vraiment, d'accord. J'ai surkiffé. Je n'ai pas boudé mon plaisir. Petits Astérix, parce qu'il y a un moment où on va s'y perdre, quoi, si on commence à aimer des groupes et qu'il faut qu'on les voit. Ah oui, non, ça va être chiant, ça, par contre. Faut pas trop qu'on fasse ça. Hein. Faut pas trop qu'on apprécie des groupes. Mais, non, vraiment, j'ai bien aimé. Si je devais conseiller un morceau pour voir qui prend en plus tous les trucs, le côté théâtral, le côté épique et machin. C'est épique. Pas que, non, mais pas épique dans le sens où il y a un mélange de tout, mais je dirais le morceau There's No Place Like Home, il y a tout dedans et je sais pas, ça même musicalement ça marche. Enfin, moi, ça a trop bien marché sur moi, quoi. D'accord. Et dès la première écoute, hein, il n'y a pas eu d'embrouille, j'ai fait waouh, j'aime trop. Mais c'est un peu dur à expliquer pourquoi, mais ça marche. Donc voilà pour mon avis sur Karash Angren. Cool. C'est tout ce que j'avais à en dire. Mais écoutez, c'est bien. Ouais, on sent l'enthousiasme, hein, t'as vu, quand on aime un groupe. Tout de suite, un peu mieux. Hein, ah, bah, quand on ne trouve pas de choses à dire. Bah, c'est ça. Je t'en prie. Même si on n'a pas grand chose à dire. Non, pas plus, mais au moins on est content de. On l'a surkiffé. Voilà. C'est bien de faire des bonnes découvertes aussi. C'est vrai. C'est un peu aussi. Le but. Le but, et c'est aussi pour ça qu'on retourne et au fest. Et on parle en plus en tant que bonnes découvertes et des fois bonnes surprises qu'on n'aurait pas. Voilà. Donc, je veux dire, With Implantation, c'est bon, quoi. Ils ont fait leur preuve, quoi. Ils ont plus rien, ils ont pas besoin de nous. Bah voilà, c'est ça. Donc, que je sois fan ou pas, je dirais sûrement. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Mais moi, voilà, ça me parle pas. Alors, mon dernier groupe à moi, c'est un groupe, un groupe. Un petit groupe. Hein. Un petit groupe. Que, comme j'ai mis que c'était mon groupe number one de la vie. Hein, de ma shopping list priorité over the top. Clutch. Oh oui, d'accord. Ah, celui-là. Ouais. Donc voilà, Clutch, hein, qui est un groupe de blues rock, stoner rock, dans cet esprit-là, maintenant. Metal originaire de Germantown dans le Maryland. D'accord. Donc voilà. L'origine du nom du groupe vient du souhait des membres d'avoir un nom court et monosyllabique, tout simplement, Clutch. D'accord. Se forme en 90 autour de Dan Mains à la basse, Tim Salt à la guitare, Jean-Paul Gaster à la batterie, Jean-Paul Gaster si vous préférez, et Roger Smalls au chant. Eh oui. D'accord. Après le départ de Smalls, celui-ci est remplacé par Neil Fellon, que l'on connaît mieux. Se faisant une certaine renommée après ses bonnes prestations en concert, le groupe signe son premier contrat avec le label Erash Records pour sortir leur premier EP Passive Restraint, puis signe par la suite avec East West Records. D'accord. Voilà. En fait, ils n'avaient pas sorti d'album quand Small s'est parti. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a une fois où j'avais dit qu'ils n'avaient jamais changé de line-up, c'est qu'ils n'ont jamais changé de line-up depuis leur premier album. Comme Gojira. Comme Gojira, voilà, avec leur premier album Transnational Speedway League. Pardon. À la base, Clutch c'était un groupe de hardcore et non pas de blues metal. D'accord. Voilà. il faisait vraiment dans le hardcore. Et la voix de Félon n'était pas du tout celle qu'on connaît maintenant. Il était plus dans la voix hardcore. D'accord. Alors, ils étaient vraiment considérés comme un groupe de hardcore. Donc, c'est pour ça qu'on a pu la retrouver sur leurs trois premiers albums dans des scènes plus hardcore que des vallées. Par exemple. Par exemple. Voilà. Que dire de Clutch, mis à part que c'est, pour ma part, un des, voire peut-être le meilleur groupe... De la vie. D'accord. Bah, c'est déjà bien. Franchement, hein. Ils réunissent tout, quoi. C'est une énergie, musicalement, il n'y a rien qui pêche, quoi, pour ma part, quoi. C'est, tout est bon. J'ai un petit bémol sur un album qu'ils ont fait. C'est le Jam Room, si je ne me trompe pas. C'est ça, Jam Room, que j'ai trouvé assez spécial à écouter, parce que c'est des sons, c'est des... Vraiment, c'est une espèce de bœuf qui se tape, vraiment, t'as l'impression que c'est des mecs qui se réunissent après une fin de soirée, tu vois, puis qui se tapent leur petit délire un peu blues, un peu bordel, un peu, tu vois. C'est assez spécial à écouter. Mm. Mais bon, ça, voilà, si on est fan de Clutch, on tolère. On tolère. Si on n'est pas fan de Clutch... On passe son chemin, d'accord. Voilà. Donc après, y a eu Clutch, le deuxième album... The Elephant Riders, le troisième, qui était vraiment un des meilleurs. Pour dire, il me manque que deux albums, en fait. D'accord. Justement, le fameux Jam Room. Et c'est tout, en fait. En fait, il me manque qu'un album. D'accord, c'est oui. C'est bien. J'ai tous les autres. Mais ouais, voilà, après, ils sont partis, après Pure Rock Fury, qui reste quand même la transition, on va dire, entre le hardcore et le... Et le Clutch qu'on connaît maintenant, ils ont sorti Blast Tyrant, qui est un des albums les plus connus, où justement il y a le clip, le fameux clip avec les gars de Jackass. Je vais pas retrouver le nom. Mob Goes Wild, c'est pas celui-là. Je ne sais pas, je peux pas t'aider. Voilà, donc en fait ils ont sorti Blast Tyrant en 2004. Mm-hmm. Et ils ont fait une réédition après avec Basket of Eggs, où on trouve des morceaux de l'album, mais en version acoustique. D'accord. Et qui est très très sympa, franchement. J'ai eu la chance d'acheter cet album-là, en fait. Mmh. La version rééditée. Et du coup, ouais, j'ai découvert en même temps Basket of Eggs, et, qui est un très très bon album acoustique. Et c'est là que j'ai apprécié vachement, en fait, leur côté blues. Mmh. Comme avec, par exemple, Ghost, ou des morceaux comme ça, Ghost, ou... Enfin, il y en a plein, et vraiment, ils ont un côté très, très calme et très blues qui est génial. D'accord. Qui est vachement appréciable. Et, quand t'as, en fait, ça dépend des humeurs. Tu peux écouter Clutch avec n'importe quelle humeur, du coup. D'accord. Si t'as une humeur un peu vénère, tu vas t'écouter Speedway, tu vas t'écouter même, à la rigueur, Blast Tyrant, qui est un peu plus rock'n'roll et qui te fout une patate dès le matin. Voilà, plus Rock Fury aussi, qui est une bonne patate. Et si tu veux des trucs plus cool, t'écoutes, on va dire, Strange Cuisine from the West, ou Robot Hive Exodus. Le morceau que j'ai posté, là, Burning Beer, justement, fait partie de Robot Hive Exodus. Et, ils ont sorti un live aussi avec cet album-là, qui est pas mal. Ils ont fait un autre qui est Full Phantom aussi, qui est pas mal aussi à écouter. Enfin voilà, je vous conseille Clutch à tout point de vue, quoi. Vraiment, c'est, pour ma part, il n'y a rien à acheter, quoi. Commencez pas avec Jam Room, hein, de préférence. Voilà. Commencez à la rigueur vraiment avec Blast Tyrant. Je crois que ça réunit vraiment ça réunit tout, en fait. C'est vraiment le milieu de Clutch, et ça réunit leur côté blues et leur côté énergique. La transition entre le hardcore et le passage au blues stoner. D'accord. Qui est très cool. Donc ouais, voilà. Moi, je vous conseille 10 000 fois Clutch. Bah. Voilà. Moi, tu m'as déjà conseillé plusieurs fois, et c'est vrai que j'ai écouté un peu avec parcimonie. Alors, pas la parcimonie, ouais, mais ouais. Avec des petits morceaux. Et il y a des trucs que j'aimais bien. J'adhérais pas forcément à tout, mais du coup, j'irais peut-être plus vers l'album que tu disais, là. Blast Tyrant, hein. Ouais, pour essayer d'écouter en entier. Je sais que j'ai écouté le dernier album, que je l'ai trouvé plutôt groovy et plutôt sympa. Le dernier, il l'annonçait comme un peu plus doom. C'est la suite de Heartbreaker, mais il l'annonçait comme un peu plus doom. Et Heartbreaker, et justement, attends, Heartbreaker ou Physical Warfare? Je crois que c'est la suite de Physique Warfare, si je ne me trompe pas. Mais bon, peu importe. Et c'est vrai que ces deux albums-là sont très différents en fait, de ce qu'ils ont fait avant. D'accord. Comme, si je ne me trompe pas, normalement, ils ont fait donc, Earthrocker juste après Strange Cuisine from the West. Alors tu vois, qui est assez blues quand même, qui est plutôt cool. Et après, ils sont passés en 2013, donc 2009-2013. Donc il y a quand même un petit passage de presque 4 ans entre les deux. Et Strange Cuisine from the West est assez, assez blues, on va dire. Blues, blues rock, très stoner, on va dire. C'est vraiment... Et Earthrocker, un peu plus énergique. Et ils ont combien d'albums en tout ? Ils en ont pas mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Oui. D'accord. Ah oui. Oui. Non, bah écoute, j'irai essayer de jeter un œil sur l'album que tu recommandes. Et c'est vrai que c'est un groupe que j'aime bien comme ça. Je suis pas un méga fan comme toi. Mais c'est vrai que c'est bien. La prestation en live au Hellfest était... Elle était bien, celle que j'ai vue. Moi, j'ai pas... Je les ai vues... À part l'éclairage, qui était dégueulasse. Mais ça, c'est plus le photographe qui parle. Tout à fait. Non. Voilà. Et puis, le dernier album que j'ai écouté était bien aussi. Donc, c'est un bon groupe. C'est vraiment dommage qu'ils se retrouvent dimanche en main stage, quoi. Ah ouais, alors ça, par contre, moi, je suis déçu. Mais bon, je les ai vus trois fois en Valais, donc je suis assez content. Là. Espérons que ça fasse pas comme Red Fang, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, on était assez loin quand même de Red Fang, mais... C'était plus le dimanche après-midi, pouf, en plein milieu, quoi. Ah, par exemple, s'ils jouent Electric Rory sur la main stage, quoi, ça va rien donner, quoi. Alors que je sais, la fois où... Alors, je crois qu'ils l'ont joué deux fois. Et la première fois qu'ils l'ont joué, c'était en Valais. Si je me trompe pas, c'était déjà la Valais. Mais ça, dès que tu entends les trois premières notes, ça a mis le feu à la vallée, c'est un truc de dingue. Quoi. Que ça fera pas la même chose en main stage. Ouais, je suis déjà déçu rien que pour ça. C'est le problème. Ouais. C'est ce genre de groupe, ça. Ok, c'est sûr, ça peut donner quelque chose en main stage parce qu'il y a une énergie, ça peut faire déplacer une foule, ça peut donner un truc sympa. Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment plus. Un groupe de fans, parce que main stage, c'est pas que des fans. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour faire un main stage 1, 2, 1, 2, 1, 2, toute la journée. Et moi, en tant que vrai fan de Clutch, je pourrais pas les voir de près sur une main stage, parce que t'as tous ces gens. C'est quelque part aussi une récompense de succès. Je suis d'accord. Donc, et puis, pour peut-être aussi changer un peu, que c'est pas forcément une volonté du groupe. Je pense que ça peut être volonté de la prod, de Hellfest Prod. Après, si, imagine un clutch en main stage à la nuit tombée, ça peut donner quelque chose aussi, quoi. Mais tu seras gêné par le public. Mais ouais, c'est ça, moi qui me gêne le plus. Après, pour le groupe, ça peut être bien aussi. Quoi. Ah non, mais je dis pas le contraire. Après, moi, ça me gêne personnellement. Non, faudrait pas que ça soit là où vraiment le problème pour moi qu'il y avait avec Red Fang, c'est que c'était en plein milieu de l'après-midi. Ça faisait aucun sens, quoi. Ouais. Et puis, on n'entendait rien. Voilà. Le son était pas bon parce qu'il y avait du vent. Parce que, Bon, je fais une comparaison juste parce que d'habitude, Red Fang est sous la vallée et que Clutch a sa place sous la vallée, quoi. Ah, totalement, ouais. As-tu autre chose à dire à part faut écouter Clutch, c'est bien? Non. Très bien. Nous avons fini pour nos chroniques de la semaine. Je te propose de passer au tirage au sort car on est à 1h52. Sérieux? Oui. Et il est minuit moins 10. Je m'en fous, je suis en vacances. Oui, non, mais c'est pas la question. Mais si, quand même, un peu. Non, c'est pas par rapport à ça que je dis ça, c'est pour dire que ça passe. Ah, d'accord. Oh non! Ah, tu vois, pourquoi pas? Banane métallique. Ah! Intéressant, banane métallique. Banane métallique. Suivant. Et moi, je tombe sur Power Trip. Ok. Groupe que je connais déjà, bien sûr. Parce que je l'avais écouté l'année dernière pour le top 10 de Loudwire, ou le top 25. J'avais écouté Power Trip. D'accord. De mémoire. Alors, Combi Christ. Écoute, c'est marqué. Certainement un petit Christ. Jésus qui se déplace en Volkswagen. Et au moins, ça fait déjà deux groupes que tu connais pas, parce que. Oui. Tu vois, c'est la vie est belle. Non, mais c'est bien. Mais au contraire, je découvre. Enfin, banane métallique quand même un peu. Brutus. C'est pas le méchant dans... dans Astérix ? Non, dans... Pubitus, non. Non, dans... Ah non, dans les centres-chats, non, il n'y a pas un truc comme ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, je ne sais plus. Je sais pas de quoi il tu... est tard, de toute façon. C'est... Je ne sais pas de quoi tu parles, mais ça a l'air sympa. C'est... Tu peux... Je ne sais pas, j'arrive pas à lire. Oh, le... Bob a tiré Trivium. Bon, en même temps, c'est bien. C'est bien. Bah oui. C'est cool. Toi, tu connais bien. Donc, bah oui, donc là, au moins, je serai devant. J'annonce. Spoiler. Ah, Possessed. Possessed, ça annonce pas du... Non, ça, ça annonce pas, pas du bien. Non, c'est pas... Bon. Wolf Heart. Ah. Heart. Ah. Wolf Heart. Cœur des loups. ça te va bien. Wolf Heart. Très bien. Et mon dernier groupe. Icebreaker. Tout à fait. Bah écoute, me l'a bien avancé. Bah voilà. Et ben voilà. Bon bah écoute, c'est très bien. Vous avez nos 8 groupes pour la semaine prochaine. On rappelle qu'il y a aussi Amon Amart à écouter. Oublie pas de le marquer. Non, en même temps, je suis un peu en plein dedans là en ce moment. Donc... De quoi? Amon Amart. J'écoute un peu en ce moment. Ah bon? Ouais, ouais. Et t'aimes bien? Je me replonge dedans. Ouais, j'aime bien. Ah ouais? Bah ouais. D'accord. Bah je sais pas, on n'a jamais... J'aime pas tout, mais j'aime bien. Il y a des trucs... C'est efficace. Bien. Ouais. Très bien. Eh ben, je te propose que nous arrêtions là pour cette semaine. Tout à fait. On se dit peut-être... J'accepte ta proposition. Peut-être à la semaine prochaine. Ça va dépendre des horaires de qui tu sais que tu me dis que tu me diras. Tout à fait. Parce que du coup, c'est selon, en fait, par rapport à ça. Parce que, oui, comme... parce que ce serait un 18h sinon. Voilà, ce serait un 18h plutôt. Donc, ça sera à toi de me tenir au juste. Donc, ça veut dire que ça va être à toi de m'envoyer un message. Waouh. Bon, il y a quand même une grande chance que je te l'envoie avant pour te dire les playlists sont dispo. Oui, oui, bien sûr. Bah... Tiens, d'ailleurs, il faut que je te partage le doc. On fait ça en direct et on vous met dedans, c'est les coulisses. Hein. Venez pas vous plaindre. C'est ça. Ouais, vous partagez un petit peu. Un petit peu comment ça se passe. Nous, on se parle pas de la semaine, donc il faut bien qu'on le fasse. Non, c'est ça qui est fou. Donc, eh bien, écoutez, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de semaine et un très bon week-end. Et puis, puisqu'on en est là, eh ben... On vous aime. Et on vous emmerde. Et à très vite. Bisous. Pour l'épisode 12. Ouh. Ouais, comme on aime à l'appeler. Celui qui arrive après le 11. C'est ça. C'est ça, à peu près ça qu'on dit. Hein. Ouais. On est parti pour ça. D'accord.